89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mir nous présente sa dernière chronique de l'année et David Ferron vient nous présenter le dernier son de campus. Eh bien, Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 11 avril 2017, 16 jours avant la fin de l'année scolaire. Donc vraiment, on est dans le dernier sprint pour plusieurs. De notre côté, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mon nom est Tania Baudin, en remplacement de Mathieu Pollante, encore pour une semaine. Donc il devrait être avec nous à partir de mardi prochain. Et j'aimerais remercier pour le thème de l'émission, eh bien, Renard Frac qui a remanié le tout. Merci beaucoup et si jamais vous voulez tous les détails, eh bien c'est facile, vous allez visiter le www.assemblagerequis.com. Je vous le disais tout à l'heure, Véronique Mir va être avec nous dans quelques instants pour nous présenter sa dernière chronique de la saison, il faut le dire. La session tire à sa fin. Donc, il y a plusieurs émissions comme ça qui se terminent ou des chroniques encore. Et un petit peu plus tard dans l'émission, eh bien, on va aussi tirer une plug, comme ils disent, sur le dernier Zone Campus, parce que le dernier Zone Campus va sortir aujourd'hui. Donc, David Ferron va être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Et on aura aussi, bien évidemment, Mathieu Plante au téléphone avec nous vers les 9h15 pour discuter d'une chronique comme ça qu'il décide de faire la veille. Et cette fois, bien, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Alors, ça serait une surprise pour nous tous. Mais en débutant l'émission comme ça ce matin, je me suis dit, on va quand même se gâter un petit peu avant de passer à la dernière chronique de Véronique. On va laisser durer le plaisir comme ça, savoir de quoi elle va nous parler. On va aller écouter Timber avec Sour Blues et au retour, Véronique Mir. Raise a roof above this room. Is the song repents. Order of the underground. As the sewer runs clear, stretch your skin in front of me. Undo every other year. But now I come for you. I come for you, womb. For your vapors and your perfume. For your fog-filled room. For your body and compass. For the body you adorn. As a bed is an eclipse. As a mask is a horn. It's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you. I'll go way back through your blood. I'll go way back to you. I'll go. Timber de Sour Blues. Ah, oh, ça commence bien la journée quand même parce qu'on a un petit temps qui sait pas trop où ce qui s'en va aujourd'hui. J'espère qu'il va faire aussi beau qu'hier parce que si on regardait ça, hier lundi, faisait beau, faisait chaud. Il a fait jusqu'à 25 degrés. Alors j'espère que dans les prochains jours, ça va ressembler à ça de notre côté parce que sinon, c'est un petit peu plate. Mais de mon côté, en tout cas, les allergies commencent à sortir. Ça, je le sens beaucoup. Ce matin, je me suis réveillée avec le nez congestionné. C'était que le fait aussi qu'il y avait un chat à l'endroit où j'étais, mais je suis arrivée dehors puis c'était pas mieux. Fait que je me suis dit que probablement que les allergies printanières sortaient aussi. Mais comme je le disais tout à l'heure, en studio avec moi, c'est Véronique Mir pour sa chronique. Le Véronique ça! La Véroniclopédie! Voilà. Hey, hein? C'est tout à de la difficulté. C'est comme un fourche-langue. Oui, ton, oui, oui, ton oui, titre oui. De chronique. Un petit exercice d'addiction. Exactement. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, je me suis improvisée amateur de pinball semaine. C'est en retour au rétro. Ben ouais. Donc, un petit peu sur le pinball, la Grande Muraille de Chine. OK. On voyage. Ouais, on voyage. J'allais dire on muraille. Oui, woohoo! C'est ça. On voyage un peu sur les éclairs, les tempêtes et compagnie. OK. Ce qui fit bien avec la température d'aujourd'hui, oui, c'est oui, ça? Oui. Tu t'es inspiré de Miss Météo. Eh bien, c'est parti! Genre à oublier qu'il y a une vague en début de cette intro-là. Oui, hein? Elle se fait désirer. Ouais, c'est ça. Légèrement, légèrement. Oui. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais, en effet. Donc, pour commencer, justement, voyageons jusqu'à la Grande Muraille de Chine. On voyage pas n'importe où, là. Ben non, quand même. Hein, la Chine, si exotique, mystérieuse, intrigante. D'ailleurs, petite parenthèse, en fin de semaine, j'ai été présidente du jury au Gala des continents. Oui, je pensais que tu allais me dire que tu étais allée en Chine. Ben, c'est le monde. Ça arrêtait merveilleux. J'ai découvert une porte de téléportation quelque ça. Part. Puis, il y avait un concours de Miss et il y avait une étudiante qui représentait la Chine, d'ailleurs, okay. Qui a chanté une chanson traditionnelle ou d'un film. En fait, d'un film chinois, puis c'était tellement beau, là. C'était, tu sais, la voix cristalline. C'est et un tout beau ça, gala, là. Ça, quand même, le gala. Oui, c'était bien, là. C'était, les prestations sont très intéressantes à chaque année. On voyage dans le 10-12, tu sais, là, c'était dans le 10-12 cette année. 10-12 devient une machine à voyager. Et oui. Alors, Grande Muraille de Chine, Il est faux! Alors, démentons un mythe. Tout de suite, en commençant cette chronique ce matin. Il est faux que la seule construction terrestre visible de la Lune est la Grande Muraille de Chine. Oh, OK. On entend ça parfois souvent. Et je crois même l'avoir moi-même dit. Je pense que je l'ai moi-même pensé au secondaire. Ah, ça se peut. C'est tellement quelque chose qu'on dit à gauche et à droite, mais ce n'est pas vrai. Parce que la muraille, en fait, n'est pas plus large qu'une autoroute et aucune autoroute n'est visible de la Lune. En 2004, l'Agence spatiale européenne affirme que la Grande Muraille est visible sur une photo prise à 600 km de la Terre. C'est ça l'affaire. C'est, mais la Lune, elle, est à 384 000 km de la Terre. Donc, on est bien, bien loin du 600 km. C'est différent, monsieur. Donc, quand même. Et tant qu'à y être, quelques mots sur la Grande Muraille, justement, son origine et tout. Donc, elle est longue approximativement entre 6000 à 6800 km. Hein? Je ne sais pas pourquoi la grandeur est approximative, parce que je pense qu'on peut la mesurer, mais je sais pas si, en tout cas, je sais pas pour quelle raison. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 à 17 mètres. Donc, à la hauteur de 17 mètres, là, ça a dû prendre toute une technique pour monter tout ça. Oui. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le temps que ça a pris construire tout ça. Ça a commencé au 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, OK. Quand même. Et ça s'est poursuivi jusqu'au 14e et même 15e siècle de notre ère. Fait que quasiment 10 siècles. Oui, c'est ça. Ouais. C'est long, longtemps. C'est très, très long. Hein? Donc, je sais pas s'il y avait des sérums de longue vie. Mais je pense pas que c'est les mêmes. C'est les moines. Oui, c'est ça. Elle a été fabriquée avec de la pierre, du ciment, de la terre et des briques d'argile. Mais on a découvert tout récemment qu'il avait été incorporé dans le mortier 3% de riz gluant. OK. Qui a fait que c'est justement, c'est resté, là, tu sais, que c'était résistant. Par contre, les mêmes études ont révélé qu'il n'y avait aucune présence d'ossements. Parce qu'on pensait qu'il y avait des os, étant donné les guerres et tout ça, qu'on tuait les gens, puis qu'on faisait de la poudre avec leurs os, puis qu'on mettait ça dans la muraille, ce qui faisait aussi qu'elle était blanche. C'est pas vrai. Donc, démentons ça également. Alors voilà pour la Grande Muraille de Chine. Maintenant, justement, comme je suis improvisée amateur de pinball, un petit mot sur l'origine du pinball, le temps, qu'est-ce que ça a traversé, son impact sur le cinéma et un opéra rock qui a mis le pinball de l'avant. Alors, le pinball ou, pourquoi pas en français, billard électronique. Ben oui. C'est tellement... ou flipper aussi, on peut l'appeler le flipper. Le flipper. C'est un dérivé du jeu de bagatelle qui est apparu au début des années 1700, qui consistait à amener des grosses billes sur une planche légèrement inclinée. Il y avait des clous un peu partout sur la planche. Okay. Et il fallait amener les billes dans des trous. Un peu comme l'espèce de jeu de patience. Ouais, là, c'est ça, avec la petite bille. Là. C'est ça, avec la petite bille. Sauf que les boules tombaient dans les trous quand ils arrivaient là. Donc, c'était pas aussi frustrant parce que ta maudite bille, elle restait pas dans le trou. C'est vraiment très frustrant, ce jeu-là. Donc, le jeu de bagatelle. Donc, le véritable flipper a été mis au point à partir de 1920. Mais à ce moment-là, il y avait la prohibition qui régnait aux États-Unis, hein, parce que le pinball, ça vient des États-Unis. Donc, l'alcool ne suffisait plus à satisfaire les clients. Les machines à sous et autres jeux d'argent sont donc entrés dans le monde de la prohibition. Donc, les flippers ont été associés à l'univers de l'alcool, du jeu de hasard et de la mafia. Alors, à la base, c'était un jeu de gangster, le pinball. Hey, c'est pas aujourd'hui qu'ils joueraient à ça, hein? Non, je pense pas, hein? Ça fait pas très, très gangster. Ça fait pas très, très gangster, en effet. Donc, au début des années 1930, de nombreuses entreprises ont vu le jour. Les plus connues, Williams Electronics, qui est devenu Stern, Bally, donc pour la balle là, de pinball, et Gottlieb. Ces deux entreprises-là, Gottlieb et Bally, se sont beaucoup concurrencées à travers les années. On va le voir plus tard. Donc, les premières machines électriques qui fonctionnaient à batterie sont apparues en 1933. OK. Et les premiers mécanismes automatiques comme le compteur et les sons, là, les ding-ding-ding, ding, ding, ding, ding, à chaque fois, sont apparus en 1934. Ah, OK, pas super. Donc, quand même pas si longtemps après, après que les premières entreprises ont vu le jour. Vers 1935, parce que les joueurs, quand ils jouent au pinball, avaient et ont encore aujourd'hui l'occasion de soulever la machine ou de taper dessus pour que la boule aille un peu où est-ce qu'ils veulent, il y a un inventeur nommé Harry Williams qui a fondé la société Williams, donc une autre entreprise là, que j'ai nommée tantôt qui a créé des pinballs, qui a inventé le fameux tilt. Oh, donc, le tilt, c'est que quand tu as levé trop souvent la machine ou que tu as trop cogné dessus pour influencer le cours de la bille, toutes les flippers et tous les mécanismes, les bumpers et compagnie sont toutes arrêtées. Il n'y a plus rien qui se passe et ta bille, elle tombe automatiquement dans le trou. Fait que tu perds automatiquement. Tu perds automatiquement. Parce que t'étais trop fâché. Oh. Exact. Et ça serait de là que viendrait l'expression « j'ai tilté ». Aha! Aha! Tilté. Donc, ça veut dire que je me suis trop emportée. Ben là, il n'y a plus rien qui a marché. Donc, c'est une source de frustration chez plusieurs joueurs, le fameux tilt. Oui, en effet. Donc, en 1935, également est apparu un fronton avec lumière. Le fronton, c'est la partie en avant où il y a la grosse image là, qui montre c'est quoi le jeu. Donc, fronton avec lumière. Mais en parallèle, dans les années 30, aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'années sombres pour le pinball. Le pinball a connu son air sombre. Ah bon, d'accord. Pourquoi donc? Bien, en 1933, Roosevelt est arrivé comme président des États-Unis et là, il y a eu la fin de la prohibition. Mm-hmm. Donc, le début des années puritaines, là, de l'Amérique puritaine aux États-Unis. Donc, tout ce qui était jeu d'argent, jeu de chance, l'alcool et compagnie, a été contrôlé ou banni. Donc, certaines villes considéraient le pinball d'un mauvais œil, dont la ville de New York, qui, au début des années 40, surtout précisément le 21 janvier 1942, qui est une année noire pour les amateurs de pinball, les officiers de la ville ont fait un grand nettoyage et confisqué 3525 machines. Ben voyons donc. Et rien de moins. Plusieurs centaines ont été confisquées dans les semaines qui ont suivi. On dit que, ça me semble un peu une légende, mais bon, qu'ils prenaient les pattes des machines pour faire des matraques aux policiers. Ah mon Dieu, d'accord. Puis que toutes les balles d'acier, les billes qui ont représenté à peu près 3000 livres d'acier, finalement, ont été utilisées pour contribuer à l'effort de guerre. Ah! Ouais, ça me semble plutôt spécial, mais quand même. Quand même. Donc, mais quand même, ça a reconnu son âge d'or en 1947 avec un flipper humpty-dumpty. Quand même, ça devait être sympathique. Commercialisé par David Gottlieb, justement, qui a relancé la mode. Et le joueur progressivement a connu d'autres innovations. Il est passé de un joueur à deux joueurs à plusieurs joueurs. La machine Super Jumbo en 1954. En 1956, il y avait la possibilité de jouer avec plusieurs billes en même temps, même d'avoir des extra billes. Il y a eu les bumpers qui ont été inventés, les cibles à coucher, les sons électroniques qui sont apparus en 1977 et avec le fronton, avec photo, donc image qualité photo plutôt que juste graphique. Mais dans les années 80, tranquillement, pas vite, le pinball a connu un déclin parce que les jeux vidéo sont arrivés dans nos vies. Donc, progressivement. Les années sombres. Et c'est ça. Donc, le pinball a tranquillement disparu. Quoi qu'on retrouve beaucoup d'applications maintenant sur les téléphones qui nous permettent de jouer au pinball. Puis c'est toujours aussi, en tout cas, moi, je trouve ça... C'est vrai, hein? Comique. C'est rétro. C'est cute. Une fois de temps en temps, jouer à ça. La dernière société qui existe dans l'Illinois, c'est la société Stern Pinball qui était tantôt, je vous l'ai dit, Williams Electronics qui est devenu Stern. Au niveau des représentations, donc il y a un opéra rock qui a été composé par le groupe anglais The Who. Okay, en 1969, qui s'appelait Tommy. Alors, ça racontait l'histoire d'un personnage sourd et aveugle qui devient un magicien du flipper ou un pinball wizard et qui plus tard utilise le flipper comme un outil dans sa quête spirituelle. Ah, voyons, c'est tout ça. C'est très logique. Oui, exactement. Et parallèlement à ça, les studios d'Hollywood se sont beaucoup servis des pinballs pour faire de la promotion de plusieurs films très connus. Probablement. Et des pinballs qui doivent valoir assez cher maintenant. Donc, pourrais-tu quel film tu penses qui ont eu leur pinball? Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Back to the Future a eu son pinball. Oui, tu as raison. Yes! Ouais. Il y a eu Back to the Future. Sinon, je dirais Ghostbuster. Ah, je l'ai pas celui-là. OK. Des gros films, là. Des gros films. Star Wars? Oui. Star Wars. Ouais. Ouais. Star Trek. Star Trek, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai une idée de Casper. Non, pas Casper. Non. OK. Un autre gros film. Si je te dis. Ta-na-na-na. Oh! Ta-na-na-na. Avec la main, là. Oui, oui, oui, oui. La famille Adams. La famille Adams. Oh, ouais. Oui, oui, oui. La famille Adams, Terminator, la Twilight Zone. OK. Il y a eu Indiana Jones. Ben oui, évidemment. Aussi. Un des James Bond, GoldenEye. Et Le Seigneur des Anneaux, qui en a eu un aussi. Donc, je serais curieuse de le voir, celui-là. Moi avec. Quand même. C'est Gollum. Gollum, ouais. Qui attrape ta bille, puis tu peux plus rien faire. Moi, ça me fait drôle de parler de bille depuis tantôt, hein, mais en tout cas, je m'en suis rendu compte en cours, là, mais c'est pas grave. Ah, cette heure-là. Ouais, il n'y a pas d'heure. C'est ça. Une partie moyenne de pinball devrait durer entre 1 minute 30 et 1 minute 40 pour qu'un joueur soit satisfait, si okay. on veut. Et il devrait gagner au moins une partie sur 3. Puis avant de passer à un autre sujet, ben tu sais, tant qu'à être dedans, là, si jamais un jour vous dites pro de pinball, voici oui. quelques termes techniques à connaître. Okay. Mais je vais faire ça vite. C'est bon. Si vous faites une fourchette, hey boy. Ça veut dire que la bille est en train de tomber puis que vous prenez les deux flippers en alternance un après l'autre pour essayer de la rattraper. Okay. Et quand on réussit, ça s'appelle une fourchette. Quand la bille fait une coulante... Et s'échappe hein? tranquillement par les couloirs. Oui. C'est ce qu'on appelle une coulante. Donc, on la voit tranquillement tomber par les côtés. Ouais. On peut rien faire. Un garage, c'est la même chose, mais plus vite. OK. Et quand elle tombe, on va dire la balle, OK? quand la balle tombe en plein milieu, là, vraiment lentement, puis tu vois bien là, que tes flippers sont trop loin, ça s'appelle un avion ou une cave. OK. Certains pros du pinball peuvent faire ce qu'on appelle des amortis, donc placer un flipper tranquillement pour attraper la balle et là, lui donner l'action qu'ils veulent en la rattrapant. Mais ça, faut être bon. Ben oui, vraiment, mon Dieu. Et quand on perd trop ou quand ça fait un tilt, il y a plusieurs joueurs qui sont atteints du syndrome de la vitre étoilée. Oh, c'est-à-dire? C'est-à-dire un bon coup de poing sur la vitre qui ne la disloque pas, mais qui fait comme dans le pare-brise de la voiture, la vitre, l'étoile. Ah, mon Dieu! Dans le pare-brise pinball. Ouais, c'est ça, je savais pas qu'il y avait un vocabulaire pinball. Et quand même! Puis avant d'aller en musique, oui. quelques petits fast facts. OK, oui, allons-y. Ça, j'aime toujours ça. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais une personne moyenne oublie 80% de ce qu'elle a appris dans la journée. Hein? Arc! C'est un peu triste, de savoir ça. Puis tu sais, c'est vraiment banal, hein? Jusqu'à qu'est-ce que t'as mangé ce midi, puis des fois, on est comme... Ah ouais. OK. Tant qu'on n'y prête pas attention, vraiment... C'est ça l'affaire, c'est qu'on prête pas attention. Ouais, c'est ça. Fait 80%. Ah, j'espère que vous allez vous rappeler un peu de choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui. La foudre peut frapper à 20 000 de sa tempête d'origine. Hey my God! Donc, c'est quand même très loin. Puis, dans ce temps-là, on a l'impression que, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun nuage, mais c'est quand même raccroché à cette tempête. On l'appelle en anglais, ces éclairs-là, des « positive giants ». Et sont généralement même plus destructeurs que les éclairs au cœur de la tempête. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie vu qu'ils sont si loin de leur tempête d'origine. Moi, je suis en... Ben, des éclairs de chaleur, mais des éclairs loin d'une tempête, j'en ai jamais vu. Moi non plus. Sorti de nulle part de même, là. Ouais, c'est ça. Non, pas vraiment. J'imagine que tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Un beau gros soleil, un éclair. Flic. OK, c'est beau. Oup. Mystère. Pas trop certaine. Un éclair typique, justement, est plus chaud que la surface du soleil. OK. Et la saison des ouragans la plus active a eu lieu en 2005. Oh! Je savais pas. Oui, cette année-là, c'est là où il y a eu Katrina. Oui. Donc, la fameuse ouragan de catégorie 5, c'est là aussi dans cette année où il y a eu le record en termes de monstres de catégorie 5. Et il y a eu tellement d'ouragans, de tempêtes et compagnie que le National Hurricane Center a passé les 26 lettres. Oh my God, les lettres. Vrai? Donc, il n'y avait plus de nom, donc ils ont dû passer aux lettres grecques. Pour compléter. Donc, grosse année! Oui, c'est ça. C'est de la job, ça, là. Oui. Eh, boboy! Tu passes au travers de l'alphabet comme ça, avec des... C'est pas rien. C'est pas rien. Non. Mais il y a certaines lettres qui sont, je pense, qui ne prennent pas, là, mais ils ont passé toutes les lettres. C'est ça, je pense. Ouais. Il y en a certaines qui fonctionnent pas. Je pense que comme le H fonctionne pas, ça se peut-tu? Je pense que le K, ouais, le H, ça se peut. Les dernières lettres, là, dans les dernières lettres. C'est assez difficile de pouvoir faire des noms ou des mots avec ça. Okay? Ouais, d'une année à l'autre qui varie. C'est ça, plus. Exactement, hein, qui est jamais la même. Oh mon Dieu. Mais justement, Véronique, à cause que tu viens de nous parler de tempête, bien, je me suis dit pourquoi pas aller écouter Hurricane d'Autopilot, puis au retour, bien, tu continues ta chronique. Yes! D'Autopilot, une pièce musicale qui fit super bien avec ce que Véronique nous parlait, les tempêtes, puis tout ce qui se passe de ce côté-là, hein, les éclairs. Oui. C'est vraiment parfait, là. Bravo Tania, bon choix, très bon choix. Puis en plus, deux bonnes chansons, je trouve, tu sais, qui font du bien, là, en commençant la journée. Ouais. Fait que, ouais. Super! Fait que maintenant, ben, comme je l'ai dit, tu sais, une personne moyenne oublie 80% oui, exact. de ce qu'elle a appris dans la journée. Mais quand même, on va faire un parallèle avec pourquoi on dit apprendre par cœur? Hey, c'est vrai? Je sais pas. Mon Dieu, c'est une bonne question. Apprendre par cœur. Pourquoi est-ce qu'on dirait apprendre par cœur? J'en ai vraiment aucune idée. C'est vraiment pas évident parce que ça remonte au Moyen-Âge. Okay. Tu sais, c'est quand même une très vieille expression. À cette époque, on pensait que le cœur était le centre de l'intelligence. Imagine, hein? C'est que, tu sais, comme on disait que la Terre était au centre de l'univers. C'est ça. Tout était mal centré. Là, tu faisais une crise cardiaque, t'avais une perte de cerveau pour eux. Oui, c'est ça. Tu venais vraiment demi, là. Donc, tout avait rapport au cœur. Autant les émotions, les sensations. Donc, l'apprentissage ne pouvait se faire que par le cœur. Ben oui, vraiment. Donc, était le siège de l'intelligence selon Aristote. C'est pour ça qu'on dit apprendre par cœur. Donc, c'est très simple comme expression. Et maintenant, justement, donc, comme on dit souvent, ça vient du cœur, ami de cœur, donc amitié. Oui. Et un autre sujet qui m'a intéressée. Combien d'amis ça prend pour être heureux? Oh boy! Moi, je dirais que ça se compte sur les doigts d'une main. Je dirais, c'est drôle parce que je fais référence à un sketch de Louis-José Hood qui disait que si tu dis que t'as couché avec seulement 5 personnes, c'est que t'es propre. Je pense que je vais dire 5 amis. 5 amis. Ben, 5, même, on dit plus 10. Oh, c'est étonnant ouais. Parce que moi aussi j'avais ça, les doigts de la main. Non, mais 5 à 10, une amitié. Mais tu vas voir, ça va peut-être te confirmer ou te réconforter ce que je vais te dire. Là. C'est bon. Donc, il y a un chercheur de l'Université de Nottingham en Angleterre, Richard Tuney, qui a fait une étude en 2008 pour mettre à l'épreuve le vieil adage « plus on est de fous, plus on rit ». Ben oui. Voir si c'était vrai cette histoire-là. Donc, quand même, tant qu'à vérifier son affaire, il a sondé 1760 Anglais pour voir quel est le lien, si on veut, entre relation d'amitié et satisfaction dans la vie en général. Okay. Puis, ce qu'il explorait dans les relations d'amitié, c'est bien, le nombre d'amis, l'ancienneté, la qualité, des trucs comme ça. Donc, ceux qui avaient moins de 5 amis n'étaient que 40 % à se déclarer très heureux. Donc, vraiment le top du bonheur, là, si on veut, dans son échelle. Et ceux qui en avaient entre 5 et 10, donc quand même, le 5 fait partie. Hein, oui, c'est ça, OK, 5. 5 et 10, augmentaient cette proportion à 50 %. Oh, OK. Et au-delà de 10, ça montait juste un peu à 55 %. Donc, de façon générale, ceux qui se disaient extrêmement satisfaits de leur vie avaient deux fois plus d'amis que ceux qui se disaient extrêmement insatisfaits. Huh. Donc, avoir plus d'amis est un meilleur facteur de bonheur. Bon. Par contre, au-delà de 10 amis, le nombre d'amis supplémentaires n'a plus d'influence sur le bonheur. Parce que là, la qualité est moins bonne. C'est ça, c'est moins bon. Donc, vaut mieux en avoir des vrais, comme on dit. Et d'ailleurs, la qualité des relations y est pour beaucoup. Et quand on parle de qualité de relation, lui, dans son étude, qui avait un poids, c'était les vieux amis. Okay, c'est ce qu'on a depuis longtemps, qu'on a une bonne complicité avec eux, qu'on peut dire n'importe quoi et n'importe comment. C'est pas important. Puis peu importe ce qui se passe, on se réconcilie. Donc ça a vraiment un gros poids dans la balance. Donc, entre 5 et 10. Okay. Fait que, tu sais, le 5 est quand même là. Ça m'a quand même étonnée, puisque plus on vieillit, hein, c'est ça qu'on dit. Oui, moins t'en as. Les vrais amis, là, les autres, c'est plus, ça gravite autour. Ça devient des connaissances. Oui, puis ça va, ça vient. C'est ça. Mais bon, c'est une étude. Hein, ben ça, oui. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Peut-on mélanger amitié et travail? Oui, selon moi. Ben oui, et absolument. Okay, oui. Tu as totalement raison. Mathieu Plante, on n'est plus amis. Non, absolument oui. Selon un sondage réalisé par l'Institut Gallup qui fait des gros sondages internationaux, c'est beaucoup lui qui contribue aussi à avoir le World Happiness Record. Sur plus de 5 millions de travailleurs âgés de plus de 35 ans dans 112 pays. Fait que tu sais, c'est un échantillon. C'est ça, je m'allais dire. L'amitié au travail est un facteur crucial pour la satisfaction et la productivité des employés. Crucial. C'est vrai. Donc, tu deviens tellement plus productif si tu as des amis autour. Oui, vraiment. Mais le gros paradoxe là-dedans, c'est qu'ils ont quand même aussi interviewé là-dedans des travailleurs. Ça contient aussi les chefs et les leaders des entreprises. Et 80 000 chefs de service et leaders interrogés au cours de la même enquête pensent que la familiarité entre travailleurs conduit au conflit et au manque de respect. Ah! Mon Dieu. Tu sais, fait que gros paradoxe. Ouais. Puis pourquoi plus particulièrement sont un peu inquiets de la situation, c'est qu'ils pensent que si les gens sont trop proches un de l'autre, ben ça va entraîner du bitchage et que leurs employés vont prendre leur temps à se plaindre de leur patron. Ah! Mais ça, c'est juste une croyance. Ça peut être mesuré comme quoi si c'était vrai. C'est selon les leaders. C'est ça. Donc, quand même, faites attention, puisque ce que je vais vous dire là, si des leaders nous écoutent, ça va sûrement changer votre perception des Faites choses. Faites attention. Donc, 30 % déclarent avoir un meilleur ami dans leur milieu professionnel. Un meilleur ami, là, fait que les entre 5 et 10 de c'est tantôt, ça. Ça fait partie des meilleurs. Ceux qui ont développé une amitié très proche ont 7 fois plus de chances d'être motivés par leur travail. OK. Comme tu disais tantôt, sont plus productifs, ils ont moins d'accidents, il y a un meilleur rapport service à la clientèle et une plus grande probabilité d'amener des idées innovantes à l'entreprise. Fait que, tu sais, là, c'est quand même important. Donc, on est loin de l'image des copains là, qui niaisent autour de la machine à café. Au contraire, tu sais, et souvent, on dit que le fait d'avoir des pauses vraiment au travail, des vraies pauses, prendre le temps de parler avec quelqu'un, ça va faire que tu es plus productif parce que tu sais, quand tu vas avoir ta pause, tu vas avoir du plaisir. Fait que, tu sais, en plus, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Pour avoir ta pause, c'est encore mieux. La satisfaction augmente de 50 % quand on a un ami proche au travail et double avec au moins trois. Ah, OK. Bien sûr, c'est bon, d'accord. Un ami au travail double aussi la probabilité qu'une personne ait une perception favorable de son salaire. Ah, ben oui. C'est parce que tu dis... C'est peut-être, ben, ça veut pas dire que la personne n'a pas un bon salaire, mais de façon générale, t'as un salaire, mettons, qui te convient, qui est c'est correct. Ça. Mais en plus, si t'as du fun au travail, tu sais, t'es comme, ben, tu sais, dans le fond, j'ai une bonne job. C'est vrai. Fait que ça aide. Le bonheur est-il dans le choix? Avoir le choix. Avoir le choix ou faire le... prendre la décision de... Ben, avoir, tu sais, mettons, dans l'allée de chip, là. Ouais. Avoir le choix. Ben, je pense que je vais dire oui parce qu'on connaît ça. Mais si on connaissait pas le choix, peut-être qu'on serait heureux pareil. Ben, c'est pas fou. Mon c'est Dieu, pas c'est fou. Philosophique. Très philosophique. Donc, Lee Enger et Lepper, au début des années 2000, ont réalisé une série d'études en labo et sur le terrain. Et une des conclusions, c'était que les clients dans les épiceries, par exemple, avaient 10 fois plus de chances d'acheter un pot de confiture quand le stand de présentation avait juste 6 variétés que quand il y en avait 24. Ben, c'est sûr. Puis, quand il y a moins d'options, les clients sont plus satisfaits de leur choix. Parce que là, tu te dis pas, ah non, comme avec tous les chandails, j'aurais dû faire le rouge à la place, ou bien, ah, ce tissu-là, ou ça crée moins le doute, t'es plus confiant c'est de vrai, ton hein? choix, tu regrettes moins. Et puis, y a-tu quelque chose de plus long qu'une allée de chips? Ah, mon Dieu! C'est fou, il y a tellement de sortes. Surtout quand t'organises un party. C'est vrai! Qu'est-ce que les gens vont oh, aimer? Oh, mon Dieu! Donc, les conséquences psychologiques ne sont pas les mêmes pour tous. Ça dépend de ton profil par rapport au choix. Et justement, je vais te poser une question pour voir vite, ça serait quoi ton profil. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est... D'accord. Ça peut varier. Alors, quand tu décides de regarder la télé, là, c'est avec les chaînes de télé. Il y a beaucoup de chaînes possibles, hein, tu sais, à regarder. Dirais-tu A, que tu regardes la première émission correcte sur laquelle tu tombes après avoir un peu zappé, ou B, que tu passes en revue toutes les chaînes ou presque disponibles avant de choisir celle qui te plaît le plus? Ça dépend, il est quelle heure? Mettons dans la moyenne. OK. Je dirais que je vais m'arrêter sur les chaînes que moi j'écoute et là je vais regarder l'émission que je veux. L'émission que tu veux. Donc, on pourrait dire que tu es plus une maximiseur. OK. Donc, les maximiseurs, c'est ceux qui s'efforcent de toujours faire le meilleur choix, si on veut, ou de prendre la meilleure décision. Tandis que les satisfaiseurs se contentent du premier niveau de qualité acceptable et suffisant. Donc, ça fait une grosse différence dans notre perception par rapport à nos choix. Mm-hmm. Et pour appuyer ça, en 2006, on a fait une autre étude auprès de 500 étudiants de première année, voir, bon, d'abord, est-ce qu'ils sont maximiseurs ou satisfaiseurs. Ben oui. Puis, on a observé pendant un an leur recherche d'emploi. OK. Pour voir ce que ça donnait. Et ceux qui avaient une forte tendance à maximiser avaient en moyenne de trouver des emplois qui payaient 20 % de plus que les étudiants qui étaient dits satisfaiseurs. Par contre... souvent, ils étaient moins satisfaits du travail, ce qui est assez étonnant, parce que le salaire importait plus. Mais, et puisqu'ils voulaient tellement trouver la meilleure job ou le meilleur travail, ça a créé beaucoup de stress pendant la recherche d'emploi. Donc, un peu le perfectionnisme, c'est moi d'ailleurs aussi, je suis maximiseur. Ouais, c'est moi, mais, ça, finalement. Ça crée ça. T'sais, donc, mais ça peut, tu sais, des fois, on a des petits éclairs là, de hey, « non, je vais faire spontanément ce qui me tente, je suis plus comme ça. » Donc, on voit que les maximiseurs réussissent mieux, mais peuvent être moins heureux ou plus enclins au regret, à broyer du noir, justement, parce que, tu sais, tu fais tellement une recherche profonde pour trouver les bonnes choses que quand tu as choisi, tu as encore un peu le doute. Ben oui, de c'est dire, sûr. Bon, parce que tu veux bien choisir. Donc, c'est pas négatif. Ouais, là, non, mais non, mais non. Mais bon. Donc, mettons pas de panique, là. Oui, exactement. Donc, c'est des gens qui ont le cœur au travail, aussi, qui font bien les choses, d'ailleurs, puisque les satisfaiseurs, justement, vont faire comme ça leur va, satisfait. Tandis que les maximiseurs veulent vraiment bien faire, vont s'assurer que ça répond aux critères et tout ça. Donc, pas de panique si on est maximiseur, et moi je le suis aussi. Juste le fait de s'en rendre compte d'une fois de temps en temps, de se dire, tiens là, soyons spontanés. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Fait une petite diversité. Et oui! Donc, ça termine là-dessus, ma dernière chronique. Oh, merci, Véro! Ça me fait plaisir, mais... puis en même temps, je suis triste. Ben oui, c'est sûr, nous aussi, mon Dieu. On va te retrouver probablement la saison prochaine. Oui. Pas nécessairement cet été, ou si jamais tu viens cet été, ça va être une surprise, comme oui, on disait tout à l'heure. C'est ça, exactement. Si jamais il y a quoi, bien, on va clairement tenir nos auditeurs au courant de ta super, venue. Super, si ouais. On tient à l'avance. Mm-hmm. Ça, c'est sûr et certain. Et merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. C'est on a passé ça fait plaisir. Une belle saison. C'est vrai. Je pense qu'on a passé plus de temps à jaser dans les dernières émissions, vu que Mathieu n'était pas là, que n'importe quand à part ça. Aha. C'est vrai. Fait que Mathieu, reste chez vous. Non, c'est pas vrai. Mais nous, on va aller écouter quand même une pièce avant de passer à autre chose. On va aller écouter Paupières sans ailes. Et au retour, bien, on va discuter, ben oui, de petits projets de start-up ou de compagnies qui sont québécoises ou canadiennes. Est-il trop tard? Pierre sans elle sur Assemblage requis ce matin. Je me suis dit que tout à l'heure, on avait sauté un petit peu par-dessus l'annonce, la publicité qu'on était censé passer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la passer? Ça fait simplement un petit temps qu'elle était censée être là, mais on va quand même aller l'écouter parce que c'est important. Alors, après la pause publicitaire, eh bien là, on va discuter de start-up ou d'entreprise québécoise. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 Ok, oui, toujours sur les ondes de C'est fou 89.1 FM dans l'émission Assemblage requis. L'émission matinale en pièces détachées, si Mathieu Plante était là, il le dirait lui-même. Mais c'est maintenant le temps de discuter un petit peu d'une nouvelle chronique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a discuté de plusieurs... je vous avais présenté trois entreprises québécoises dont on devait peut-être un petit peu plus entendre parler. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose à chaque mardi. Alors, ça va être la même chose aujourd'hui. On va arrêter ce fond musical-ci et puis on va aller écouter Tania is gonna entertain ya! Alors, ce matin, j'ai quelques projets québécois à vous présenter, quelques start-up québécoises à vous présenter. Vous allez voir, tous sont québécois ce matin. La semaine dernière, il y en avait une qui était canadienne, mais vraiment, ce matin, là, tout vient de chez nous. C'est du pur et simple québécois, voilà. Voilà, donc la première dont je veux vous parler, en fait, c'est une initiative d'un de mes amis. Ça s'appelle Pantera Motorsports. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, Pantera Motorsports, ce sont des pièces d'ingénierie qui vont être de performance, bien évidemment, dans le monde de la course automobile, qui sont forgées et qui sont aussi produites par cette équipe-là. Donc, on parle d'expérience dans la course automobile sur que ce soit de deux roues ou de quatre roues. Alors, c'est vraiment spécialisé dans le monde de la course automobile, dans le monde des pièces aussi. Si jamais vous voulez aller voir, c'est tout simple. Vous allez soit sur la page Facebook de Pantera Motorsports avec un S ou encore sur le site Internet qui est tout aussi simple, panteramotorsports.com. Et ça fait quelques années déjà qu'on a parti tout ça. C'est un beau projet. Ça semble fonctionner très bien. Et bien évidemment, bien, c'est fait ici. Alors, en quelque sorte, on est un petit peu toujours fiers dans le monde de la course automobile quand quelque chose vient de chez nous, quand une expertise vient de chez nous. Et de ce côté-là, c'est la même chose de l'ingénierie. On le sait ici même à l'UQTR, les ingénieurs, ils sont bien formés et la plupart du temps, ça fait de beaux emplois. Donc, de pouvoir se spécialiser comme ça dans le monde de la course automobile, ça amène quelque chose de particulier. Et bien évidemment, ce sont des pièces. On ne parle pas nécessairement de performance ou d'aide par rapport à la course automobile. Ce sont vraiment juste les pièces qui vont être produites pour Pantera Motorsports. Mais par la suite, l'expertise des ingénieurs qui y travaillent va pouvoir vous être transmise, bien évidemment, par courriel ou encore par téléphone. L'espèce d'expérience client va rester, veut pas après ça. Et à chaque événement de course automobile, eh bien, vous allez pouvoir vous dire que les pièces sont de Pantera Motorsports dans la Mauricie. Voilà. Le deuxième dont je vais vous parler, eh bien ça aussi c'est un projet qui vient de la Mauricie, c'est Provisuel. En fait, c'est une entreprise de publicité de masse qui a pour mission bien évidemment de contribuer à la réussite des entreprises locales sur un concept unique. Et je suis persuadée que vous avez déjà probablement entendu parler de Provisuel, surtout pour l'émission Dans l'œil du dragon. En fait, c'est des jeunes entrepreneurs de la région de Trois-Rivières qui ont refusé l'offre la plus généreuse de l'histoire de l'émission. Et les jeunes entrepreneurs derrière l'entreprise Provisuel, qui justement, comme je le disais tout à l'heure, se spécialise dans la publicité de masse, bien, ils ont reçu l'offre la plus importante de l'histoire jusqu'à présent de l'émission Dans l'œil du dragon. On parle de Miguel Bournival, Mathieu Doucet et Jean-Michel Laliberté, tous trois de Trois-Rivières, et ils ont toutefois décliné pour justement profiter d'une autre offre qui, selon eux, convenait mieux à leurs besoins. Donc, au lendemain de la diffusion de l'émission, et ça fait déjà quelques temps de ça, l'émission avait été enregistrée en mars dernier, bien, les trois trois entrepreneurs originaires de Trois-Rivières. Là, quand je dis mars dernier, c'est pas mars 2017, c'est vraiment mars 2016. C'était en studio à chez nous le matin. Ils ont expliqué en fait pourquoi ils ont accepté l'offre de Gilbert Rozon et de Daniel Henkel au détriment de celle de Mitch Garber et de Martin-Luc Archambault. Et ils étaient tous prêts en fait à investir une somme d'argent, soit 175 000 $ pour 40 % de leur entreprise. Et ils disaient qu'ils cherchaient des mentors. Donc, c'est ce qu'ont résumé, en fait, les trois entrepreneurs qui ont cru que, justement, le soutien qu'ils obtiendraient de la part des deux dragons retenus répondrait pas mal plus à leurs besoins actuels que de l'argent supplémentaire. Et au final, Gilbert Rozon et Daniel Henkel leur ont offert 120 000 $ pour 40 % de leur entreprise. Et la question des royautés, bien, reste toujours à négocier, mais les trois jeunes doivent rencontrer leur nouveau mentor. Ils se voient à quelques reprises, on le sait, après avoir participé à une émission comme L'œil du dragon, mais c'est quasiment un an de travail complet pour pouvoir arriver à quelque chose qui va donner une bonne échéance de ce que pourrait être le plan d'affaires. Et justement, quel était le plan d'affaires revu après le passage à la télévision? Eh bien, Provisuel, ça met en marché un accroche-porte publicitaire sous forme de livret, justement dans lequel on peut retrouver des rabais des commerçants locaux. Et le produit fonctionne bien. Jusqu'à 8 % des gens qu'ils reçoivent vont profiter des promotions qui sont proposées à l'intérieur. Et l'entreprise de Trois-Rivières cherche justement à conclure encore quelques ententes de plus avec des grandes bannières. On développe aussi une application mobile qui est Swipey et leur passage à l'émission Dans l'œil du dragon a toutefois fait revisiter et reviser leur plan d'affaires. Ils disent que les dragons veulent vraiment instaurer l'accroche-porte partout au Québec avant de sortir l'application. Et si eux avaient sorti l'application quand même pas trop longtemps après l'émission, eh bien, beaucoup de personnes de Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke et Shawinigan auraient eu certains rabais. Mais là, on parle de la région de Québec, la grande région de Québec, de Montréal et de d'autres endroits où ils sont pas encore installé avec l'accroche-porte, donc les gens l'auraient peut-être téléchargé pour absolument rien. Ils n'auraient peut-être pas nécessairement connu ce fameux petit produit-là. Et lors de l'émission, bien, les cinq dragons avaient fait une offre aux trois trifluviens. Ils ont aussi tous loué leur personnalité. Donc, ils sont de jeunes entrepreneurs de la région avec un bagage assez atypique. Et certains ont étudié, par exemple, en technique policière, d'autres en charpenterie-menuiserie, administration et travaillaient, par exemple, chez Ameublement Tanguay. Donc, la journée a été très, très différente. Et ce qu'ils font aujourd'hui est complètement différent de leur champ d'études, ce qui est quand même le fun à voir. Et si jamais ça vous intéresse, bien allez faire un tour sur le site internet de Provisuel, parce que c'est quand même fun de voir justement que c'est une entreprise qui est locale, qui a pour mission aussi de contribuer à la réussite des entreprises locales. On parle de marketing qui est créatif, des stratégies qui sont efficaces. Et quand on parle de leurs produits, eh bien on a parlé de l'accroche-porte, bien évidemment. Et l'accroche-porte Provisuel, bien c'est un concept qui est unique en son genre. Ça offre un produit qui est attirant, surtout qui se fait remarquer dû aux couleurs qui sont dessus. Et ils ont comme réinventé l'accroche-porte traditionnelle pour justement faire un livret d'offres promotionnelles qui est quand même prestigieux. Donc, on parle de projets clés en main. On parle aussi de visuel qui est très accrocheur. On parle aussi de produits exclusifs. Donc, l'équipe travaille très fort. L'équipe, elle est jeune, elle est dynamique, elle est aussi professionnelle. Donc, on voit justement ce côté entrepreneurial-là qui sort de plus en plus ici à Trois-Rivières. Il y a quelques startups qui se font comme ça aussi. Alors, j'ai bien hâte de voir jusqu'où on peut aller avec Provisuel, mais j'ai une bonne idée que ça va très bien fonctionner pour eux, parce que jusqu'à présent, j'ai vu quand même leurs pamphlets et leurs accroche-portes un petit peu partout dans la ville de Trois-Rivières et ça semble merveilleusement bien aller pour eux. Alors, je suis très, très contente. Ça ne peut mieux aller, voilà, de ce côté-là. La troisième entreprise ou projet dont je veux vous parler, en fait, c'est un vélo qui a été réinventé. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le Smart Halo. C'est un gadget québécois qui permet de transformer une vieille bécane, donc c'est comme un vieux vélo, en vélo intelligent. C'est une start-up montréalaise qui s'appelle Cycle Labs qui a mis en ligne justement une campagne Kickstarter pour financer la production du Smart Halo. Donc, ça a la taille d'une sonnette et le gadget s'attache au guidon du vélo. Ça fait office de GPS et de lumière nocturne, tout en mesurant la distance qui est parcourue et qui va afficher des notifications de votre téléphone. Donc, le Smart Halo, en fait, ça offre plusieurs fonctionnalités qu'on retrouve dans des vélos intelligents, comme par exemple celui de Van Hanks, qui est une start-up de Thunder Fuel, dont les vélos se sont vendus pour à partir de 1647 $. Pas rien quand même. Et Cycle Labs, bien, eux visent à pouvoir avoir... n'ont pas nécessairement envie de commander un nouveau vélo avec le Smart Halo. On peut précommander sur Kickstarter pour 105 $. Et une fois commercialisé, bien l'appareil devrait toutefois coûter 197 $. Donc, on trouve quand même ça bien. Les vélos intelligents comme celui de Van Hawk, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, un vélo à 1500 $. Donc, de pouvoir le faire grâce à un petit gadget et qui serait quand même à l'aise de pouvoir se promener avec un vélo comme ça en ville, malgré un système anti-vol et tout ça, bien, ça ouvre de grandes portes pour la start-up montréalaise. Et la sécurité, c'est d'ailleurs au cœur des préoccupations des gars de Cycle Labs qui ont conçu le Smart Halo de manière à ce qu'il puisse être laissé durant de longues périodes sur un vélo, justement, à raison d'une heure d'utilisation par jour. Donc, la batterie du gadget devrait durer 3 semaines et les inventeurs se sont aussi penchés sur un système d'attache au guidon qui pourrait être retiré sans un outil unique qui est impossible à obtenir en quincaillerie et encore plus qui plus est, en fait, une alarme devrait être déclenchée si quelqu'un tente de voler ce fameux petit appareil-là. Donc, pour qu'il fonctionne, bien, le Smart Halo doit être connecté à un iPhone ou à un téléphone Android sur lequel, justement, l'application compatible a été installée et le gadget, lui, va communiquer avec le téléphone par l'entremise d'un lien Bluetooth. Et c'est le GPS du téléphone qui va permettre au Smart Halo d'utiliser les lumières d'aile pour indiquer votre chemin. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, installer un étui de téléphone pour vélo, utiliser Google Maps pour vous orienter et vous allez pouvoir faire tout ça en laissant l'écran de votre téléphone allumé en tout temps parce que la batterie de votre téléphone ne fera pas long feu. Donc, l'interface simplifiée de Smart Halo va se limiter justement à indiquer qu'il faut continuer tout droit ou tourner à l'avantage d'être beaucoup moins distrayant. Et la livraison de Smart Halo a commencé en fait en mai 2016. C'était juste à temps pour la prochaine saison de vélo quand eux ont sorti cette campagne Kickstarter-là. Et... ça fonctionne bien jusqu'à présent. Si jamais vous allez sur leur site internet, c'est assez simple. Vous allez taper le www.smarthalo.bike et vous allez voir, il y a plusieurs... c'est très bien fait d'ailleurs. Vous allez avoir les fonctionnalités du Smart Halo. Donc, vous allez avoir la navigation qui va être un virage par virage. Donc, vous allez vous laisser guider virage par virage grâce à un halo de lumière qui va directement sur votre guidon. Et Smart Halo va choisir pour vous les chemins les plus rapides et les plus sécuritaires. Vous allez aussi avoir la boussole, donc lorsque la destination compte, c'est une boussole, bien avec Smart Halo, vous allez pouvoir également pointer simplement vers votre destination, mais c'est à vous de décider du chemin à prendre, si par exemple vous connaissez où vous vous en allez. Et vous allez aussi avoir par exemple un aide-mémoire. Donc si jamais vous avez eu par exemple une longue journée au bureau, eh bien votre application va se rappeler de la dernière localisation de votre vélo. Vous n'aurez pas trop de difficulté à pouvoir le retrouver. Et tout à l'heure, on parlait de lumière. Bien, il y a une lumière de nuit qui est intelligente. Donc, il y a plusieurs personnes à Montréal qui se déplacent la nuit avec leur vélo, autre qu'avec leur voiture, par exemple. Et la nuit, bien, il faut être vu. Donc, dès que le soleil se couche, la lumière s'allume automatiquement sur le Smart Halo. Et dès que vous quittez, bien, elle s'éteint toute seule aussi. C'est comme de la magie. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une alarme qui va protéger votre vélo. Donc, la senseur intime de Smart Halo s'assure que toute tentative de vol de votre vélo va déclencher une forte sirène. Donc, les gens autour vont pouvoir être avisés qu'il y a un vol qui est en train de se produire. Il y a aussi la désactivation automatique. Donc, le système d'alarme va se désactiver automatiquement dès qu'il va reconnaître votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Ça va se faire automatiquement par Bluetooth. Ou sinon, vous avez la désactivation manuelle sur votre téléphone. Vous allez pouvoir taper votre code de désactivation manuelle sur le Smart Halo directement. Et bien évidemment, quand on pense au Smart Halo, quand on pense à faire du vélo, eh bien, on peut aussi penser à la mise en forme. Donc, vous voulez vous surpasser et si vous fixez un objectif dans l'application Smart Allo, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, afficher le progrès en temps réel directement devant vos yeux. Vous allez aussi avoir un indicateur visuel de vitesse et vous allez avoir certaines applications avec Smart Allo qui va suivre automatiquement vos données cyclistes dès que vous allez commencer à pédaler. Donc, il ne va pas être nécessaire pour vous d'appuyer, par exemple, sur démarrer ou arrêter dans une application de remise en forme. En fait, vous n'avez même pas à sortir votre téléphone de votre poche. Tout ça va se faire en temps réel avec votre téléphone et, comme je le disais, le lien Bluetooth. Et bien évidemment, vous allez avoir l'assistance, donc des notifications d'appels et des notifications de SMS sur votre téléphone, sur le petit engin qui n'est pas très, très gros. En fait, on va se le dire, ça ressemble quasiment à une bulle que vous allez mettre au milieu du guidon. Donc, ça ressemble vraiment à un petit écran. C'est vraiment génial. Je ne suis pas le genre de fille qui fait beaucoup de vélo, je vais vous l'avouer, mais la start-up québécoise qui est justement a lancé son produit me donne quand même plus l'idée de le faire que qu'un simple vélo normal. C'était les trois startups, trois compagnies, trois entreprises dont je voulais discuter avec vous ce matin. Les entreprises québécoises dont on ne connaît pas nécessairement tout le temps l'existence. On va aller écouter une pièce musicale qui est de Franklin Electric avec I Know the Feeling. Et au retour, bien, ça va être David Ferron avec la dernière du Zone Campus. Restez avec nous. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right, and I never thought it before I saw you last night. Check. gentil pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Il nous reste encore une heure à l'émission, ce qui veut dire qu'il va y avoir David Ferron avec nous et aussi Mathieu Plante un petit peu plus tard dans l'émission. Il va venir nous faire sa chronique. Bien, en fait, il va pas venir parce qu'il va être au téléphone, mais il va nous faire une chronique qui va être bien à lui, que vous avez l'habitude d'entendre en temps normal lorsqu'il est en studio avec nous. Mais bon, hein, c'est comme ça, il est pas aujourd'hui, il va être au téléphone. On peut pas faire grand-chose d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, en studio avec moi, j'ai David Ferron. Bon matin. Mais bonjour, Tania. Ça va bien? Ça va très bien, merci. David, t'as travaillé jusqu'à très tard hier soir. Ben, pas tant que ça. C'est pas super. Là, on a fini à 9h30 hier soir. Ah, ça va mieux là, dans ce temps-là. Oh, oui. Dernier zone campus. Oui. De la session. Oui. T'as passé au travers. Félicitations, David. Merci, j'y crois pas. J'y crois pas. Ah, ça passe vite quand même. Mais beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement au travail aussi. Oui, on n'a pas le choix. Je veux pas le zone campus, c'est pour les étudiants. Ben on oui. aime ça, c'est pour aussi la population trifluvienne. Tous ceux qui veulent se renseigner, voilà. Alors, on y va? Oui, mais avant, je voulais remercier aussi l'équipe parce que... Mais oui, vas-y. Je suis au micro, mais je suis pas tout seul à tout faire le zone campus. C'est vrai. Je remercie, tu sais, j'aime beaucoup Mathieu, mais un gros merci à Stéphane Dutra pour l'infographie. Qui est venu nous aider. Oui. En dernier, vu que Mathieu n'était point présent. Oui, exactement, pour les deux derniers numéros. Puis aussi, un grand merci aux journalistes, chroniqueurs, vraiment. Et merci Tania, parce que grâce à toi, il y a du revenu et des partenariats supplémentaires. Donc, oui. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe. Ah ouais, pas le choix, parce que ça se ferait pas tout seul, un travail comme celui-là. Non. Donc, c'est le temps de jaser Journal Zone Campus avec David Ferron. Yeah! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David, j'ai entendu que tu parlais dans le micro pendant la trame sonore. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, c'est de voir, parce qu'il y a des mouches qui volent, mais vu que l'été s'en vient, est-ce que ça va être des maringouins? Peut-être. C'est peut-être ça. Il faudrait demander à Mathieu, c'est lui qui avait fait la trame sonore de la chronique Zone Campus. Mais est-ce que t'es prêt à jaser justement de ce qu'on retrouve dans ce fameux dernier numéro de la session-là? Oui. Excellent. Donc, mot de la rédaction, tu parles de l'envol? Oui, exactement, pour dire que en fait, on dit que l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais finalement, les oiseaux s'envolent vers le printemps. Tout ça pour dire, via cette espèce de phrase un peu kitsch et quétaine, que finalement, c'est compliqué un peu, mon mot de rédaction. J'étais comme... C'était inspiré. Lundi. Ben, en fait, c'était inspiré et fatigué à la fois. Ça donne ça. OK. Ça donne des trucs. Mettons, tu cours un demi-marathon, ben, ça donnait ça. C'était comme j'avais fait un demi-marathon. Bon, ben, c'est pas bien grave, hein. On te pardonne. Ne t'inquiète pas. Je trouve que c'est bon pareil. Ah, ben, merci, mais ça parle de Molière. Ah, tu vois, ça peut pas. Ça peut pas être mauvais si on parle de Molière. Par la suite, c'est Caroline Bodin qui nous parle, elle, d'une tribune libre de la GEUQTR, l'islam au cœur des discussions. Oui, exactement, qui a été en fait offert par Lamine Foura. Lamine Foura, c'est un des cofondateurs du Congrès maghrébin au Québec, qui semble être très, très actif aussi au niveau des activités. Et en fait, le but, c'était justement d'expliquer que l'islam, c'était quelque chose d'assez ouvert. Mais en fait, de permettre aux gens de parler, parce que ça a l'air que la réunion a duré 3 heures. Okay. Donc, les gens ont pu poser des questions, faire part de leur en fait interrogation et tout. Puis M. Foura était là pour expliquer. Ça a été animé par Frédéric Borel. Ah, rien de moins. Si on y va du côté de l'actualité, eh bien, on parle du CA de la GEUQTR. Un fin et début de mandat assez difficile. Ça chauffe. Ça chauffe, hein? Oui, ça chauffe, c'est dynamique. C'est pas pour rien que sur le fond, ça s'appelle une fin de session en ébullition. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu 2 mentions de blâme. OK. Ensuite, des mentions de blâme. Il y a eu également aussi le retour sur l'Assemblée générale du 29 mars, comme quoi le déroulement ne s'est pas passé aussi rondement que les administrateurs auraient voulu. Ça a l'air que ça n'a pas bien roulé aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que là-dedans, il y a eu un nouveau VP Finance et Développement qui a été élu. Ah, OK. Il va être élu toute l'année, il y a un mandat aussi eu une légère petite controverse sur la nouvelle présidente du CX. Oui, c'est ça, c'est justement la maçon de blâme, parce qu'elle a eu un maçon de blâme dernièrement. OK. À l'avant-dernière rencontre du CX, donc c'est pour ça. En fait, le vote a été du CX, elle a été élue parce que, pour que, oui, il y a les élections de la JQTA, mais pour que tu sois élu, il faut que le CA approuve ton élection, et ça a l'air que ça a chauffé là-dessus aussi. Ouh. Mais là, elle a finalement été entérinée. Bon, tu vois. Si on y va du côté de l'Assemblée générale spéciale de la GEUQTR, eh bien, on parle d'un quorum nul pour le pétrole. Oui, exactement. Pourquoi ce titre-là? D'abord, le quorum, la question du quorum, parce que ça a été tout juste atteint. Donc, 60 personnes, donc juste 60 étudiants sur 10 000, peut-être, pour une Assemblée générale spéciale. Il y avait, en fait, pourquoi on parle de pétrole? Parce que la GEUQTR, donc l'Assemblée générale, a finalement adopté une position contre tout projet pétrolier ou gazier, donc qui a été adopté. Et il y a aussi la modulation des frais de scolarité en fonction du programme d'études qui a été en fait voté contre. Donc, ce que ça dit, c'est que des fois, l'université va moduler tes frais selon ton programme. Mm-hmm. On parle aussi des associations nationales étudiantes lors de la tribune libre de la GEUQTR. Oui, exactement, parce qu'il y a eu, en fait, Nicolas Lavallée, qui est président de l'Union étudiante du Québec, et Christopher Geoffrey, qui, lui, est responsable de la coordination générale pour l'Association pour la voix étudiante au Québec, sont venus parler des associations étudiantes, parce qu'au cours des 5 dernières années, ça a brassé. Oui, quand même, hein? Il y a quand même la disparition de la FEUQ. Quand oui, même. Tout à fait. Tu t'es donné dans l'actualité de ton côté, David, avec l'astre UQTR AFPC, gains et concessions. Que veux-tu dire? Oui, parce que l'astre, qui est le syndicat des employés étudiants de l'UQTR, ils ont en fait fait adopter leur dernière convention collective, donc qui a été adoptée le 14 mars dernier. Parmi les gains, c'est le salaire de base que l'UQTR devra payer à tous les employés étudiants, qui va être de 15 $ d'ici 2019. Ah ouais? Oui, donc 15 $ d'ici 2019. Et aussi, par contre, il y a eu des concessions. Par exemple, les employés de la SAPS. La SAPS, ça, c'est tous les services à l'activité physique et sportive. Donc, notamment ceux qui travaillent au CAPS, notamment les étudiants employés, bien eux, ils avaient le droit à 20 % de congés. Là, finalement, ça va se transformer en 1 à 3 congés. Oh, OK. Donc, ça réduit quand même si tu fais pas mal d'heures, mettons. Fait que ça a été la concession de fait. Mais aussi, pour les étudiantes employées qui sont en congé de maternité, ça passe de 8 à 12 semaines où ce que tu es compensé. Ah, d'accord. Et on parle aussi de la prévention contre les violences à caractère sexuel. On en avait déjà parlé un petit peu. Ben ouais. Mais là, on parle ici même à la Chasse-Galerie. J'ai besoin d'un Angelo. Oui, exactement. Ça, Angelo, c'est un projet du ministère de l'Éducation supérieure. En fait, la Chasse-Galerie va embarquer dans ce projet-là. Et le but, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, quelqu'un se sent menacé, eh bien, c'est que tu commandes un Angelo, ce qui est en fait un message pour dire « j'ai besoin d'aide ». Et il s'avère qu'il y a plusieurs variations selon le problème que tu vis. Oui. Et là, selon les étudiants, il y a des étudiants qui sont enthousiastes, il y en a qui sont un peu craintifs par rapport à cette mesure-là, il y en a qui sont plus critiques aussi. Bref, c'est un projet qui va être discuté, je pense. Je pense que oui, je pense que c'est aussi une porte pour un petit débat, à savoir où est la limite de quelqu'un qui peut aider quelqu'un d'autre, peut-être. On parle de la semaine de la francophonie en Mauricie, fêter le français. Exactement, l'UQTR s'est impliqué dans la semaine de la francophonie qui s'est déroulée du 9 au 26 mars partout en francophonie, partout dans le monde où il y a des pays francophones ou pas nécessairement francophones, mais qui ont beaucoup un bassin de gens qui parlent français. Oui, c'est vrai. Notamment, donc, l'UQTR, comment elle s'est impliquée? Eh bien, le 21 mars, il y a eu Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. C'est long comme ministère. Donc, qui, elle, a parlé du 50e anniversaire du ministère Le Québec célèbre la francophonie. Parce que c'est le ministère qui s'occupe d'établir des liens entre toutes les instances francophones partout dans le monde. Ça aussi, mais ça, en fait, en Mauricie, c'est l'association de 12 organismes comme l'UQTR, justement, mais du SANA aussi, donc c'est les 12 organismes qui se réunissent ensemble pour, justement, promouvoir la francophonie en Mauricie. On parle aussi des étudiants invisibles avec l'humain approximatif, l'éditorial de Samuel Beauchemin. Oui, donc, Pedro, de son surnom. C'est vrai, Pedro. C'est pas grave, Samuel Pedro Beauchemin. Donc, en fait, lui, il a reçu le témoignage de 2 étudiants pour voir c'est quoi leur vécu en tant qu'étudiants internationaux ou immigrants. Donc, le témoignage est assez original parce que quand on lit ça, ça ressemble à de l'actualité, mais il a pris une espèce de formule qui s'inspire de Montaigne, de ces lettres persanes pour s'effacer et que les deux personnes deviennent en fait sa plume. Oh, je sais pas si je l'explique bien comme concept. Ouais, quand même. C'est qu'en fait, il donne sa plume à deux personnes. Ah, c'est bien. On parle aussi de demain matrifluvie, c'est réfléchir collectivement à l'avenir de la ville. Oui, je sais pas si vous vous rappelez du projet Il faut qu'on se parle. Mm-hmm. Bien, c'est un peu la version trifluvienne. D'accord. C'est-à-dire que le 4 avril dernier à l'Île-Saint-Quentin, il y a eu une rencontre, une centaine de personnes qui sont venues à l'Île-Saint-Quentin pour parler de projets pour permettre justement à Trois-Rivières de se développer davantage. Et ce projet-là, de même à Trifluvie, ça a été monté sur pied par des gens qui ont été interpellés par un projet qui s'appelle, en fait, un documentaire qui s'appelle Demain. Et dans les coordonnatrices et coordonnateurs du projet de même à Trifluvie, on a l'étudiante au doctorat en psychologie, Marilyn Tremblay-Pouliot. Ah, ben oui, c'est vrai. Et oui, donc il y a des étudiants qui s'impliquent partout. Pas juste à l'UQTR. Ça, c'est on adore ça. Ben oui. Il y a eu ma thèse en 180 secondes, donc on en fait un retour dans la section actualité. 3 minutes pour convaincre. Oui, donc c'est quoi 180 secondes? Évidemment, c'est 3 minutes, mais c'est tous des étudiants au doctorat ou à la maîtrise ou au postdoctorat qui doivent expliquer leur projet en 3 minutes devant un jury et devant le public. Ça s'est fait au 10-12. Donc, puis je vous dirais qu'il y avait quand même, j'ai pas compté le monde, non, mais il y avait quand même pas mal de monde et il y avait, en fait, tous les domaines étaient ouverts, que ce soit en éducation, que ce soit également en génie chimique. Et il y a une nouveauté cette année, c'est mon projet d'avenir en 180 secondes où des bacheliers racontent leur projet pour les pour le futur, quand ils vont aller dans les cycles supérieurs. Ça leur permet justement d'avoir une année de payer en maîtrise. Fun, ben oui. C'est une bonne idée, en fait, d'avoir ouvert ça au bachelier. On parle aussi de la revue étudiante Le Prométhée, un retour en force. Oui, Le Prométhée, ça, c'est un journal qui est fait conjointement par les étudiants en histoire et les étudiants en philosophie. Donc, c'est un journal qui a eu, en fait, un petit laps d'absence, mais qui revient en force très bientôt et qui sort bientôt son numéro, on ne sait pas trop quand, mais dans les prochains jours. Okay. Ça devrait sortir. Donc, Le Prométhée, puis c'est, je crois, disponible en ligne. Excellent. On parle aussi dans l'actualité du colloque sur l'économie sociale et associative. On parle d'un rassemblement engagé. Oui, donc c'est l'initiative d'un étudiant en administration, Jason Rivet, qui lui est président de la COPSCO. Donc, c'est allié d'étudiants et oui, également de la COPSCO pour pouvoir monter ce projet-là qui parle justement d'économie sociale et associative. Il y a eu des conférenciers qui ont parlé de c'était quoi les bienfaits de ce type d'économie-là, dont Audrey Gagné, une diplôme en loisirs, tourisme et culture qui travaille à l'Auberge internationale de Trois-Rivières. Oh, d'accord. Maintenant, le temps de passer à la société. C'est Gwendoline Lebeaumain qui nous parle un œil sur l'actualité internationale. Elle parle de l'espoir chez la jeune génération russe. Encore la Russie. Encore la Russie, David. On s'en sortira pas. Non, la Russie est partout. Regarde, fais attention derrière toi. Oui, je suis sûr que tu vas avoir une poupée russe. Il va falloir que tu démontes pour trouver ton cadeau. Exactement. Ça ne finit plus. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu des une manifestation contre Poutine, en fait par l'opposant principal de Poutine qui est Alexei Navalny qui s'est fait arrêter souvent à cause de son amour pour Poutine. Ouais, mettons. Mais là, c'est ça, c'est ce qu'elle explique, Gwendoline, c'est qu'une génération justement qui décide de manifester contre Poutine. Ah, bon, ben, hein, tu fais le tour. Ben oui. Sinon, c'est Kevin Gaudreau qui, lui, nous parle entre les deux pôles de l'élévation de l'autre. Oui, l'importance de s'occuper de soi, mais des autres aussi. Pas juste nécessairement élever un enfant ou d'aider, par exemple, un proche, mais aussi de s'impliquer dans sa communauté. Okay. Donc, c'est le bienfait de prendre du temps pour d'autres personnes, que ce soit t'impliquer dans un CA, que ce soit d'être grand frère ou grande sœur aussi. Bref, il explique les bienfaits. On parle aussi de devoir faire un petit peu d'humilité, faire preuve d'humilité dans tout ça. Oui, exactement. Donc, de ne pas le faire puis de dire, regardez, j'aide les gens. C'est ça. Regardez comment je suis beau et je suis fin. Exactement. C'est Marie-Ange Perrault, à son tour, qui nous parle dans la société avec la petite vite, les couleurs de l'amour. Ça a super quétaine, mais pas pantoute parce que Marie-Ange, en fait, ce qu'elle explique, c'est que oui, c'est sûr que ça a l'air d'être, un secret de la palisse, mais l'important en amour, c'est d'être soi-même. Mais c'est que ce qui est en fait, bien fait, c'est qu'elle explique son récit personnel avant de rencontrer le grand amour avec sa blonde. C'est qu'avant, bien, elle expliquait qu'elle essayait de trouver la personne idéale, mais que dans le fond, elle se laissait pas aller. C'est vraiment très bien écrit. Il faut le lire. Je pense que Marie-Ange l'explique mieux que moi. Fait que lisez la chronique de Marie-Ange. Bon, ça peut pas être mieux dit. Sinon, en plus, on peut la trouver sur le blog. Bientôt. Directement. Ben oui, bientôt. Ben oui. Bon, il y a pas de raison maintenant de pas la lire. Non. On parle aussi Jean-François Veilleux qui revient sur les 50 ans du Vive le Québec libre. Oui, célèbre phrase du général de Gaulle, mais en fait, ça va faire 50 ans cette année et Jean-François explique justement le passage du général de Gaulle qui est même passé à Trois-Rivières. Mm-hmm. Donc, il a fait Québec-Montréal en prenant la route, la 138 ou le chemin du roi. Oui, c'est ça, exactement. La section art et spectacle, cette fois, eh bien, il y avait le gala des 5 continents, qui était l'édition 2017 en fin de semaine. On parle des merveilles du monde à travers les diverses culturelles avec Caroline Filion. Oui, exactement, parce que le gala des 5 continents, c'est un gala qui est organisé depuis au moins 25 ans, d'après ce que j'entends dire. Et c'est un gala qui est organisé par le Complice, qui est le Comité multiculturel pour l'intégration et la coopération entre étudiants. Et ça invite toutes les associations étudiantes internationales et même québécoises aussi, donc c'est ouvert à tout le monde, pour célébrer justement la diversité culturelle. Il y a un concours de Miss Gala des 5 continents, qui était gagné par Aïda Touré, qui est en fait franco-guinéenne, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, de la France et de la Guinée, donc c'est une franco-guinéenne. Et il y avait aussi le concours de soccer avant le gala en tant que tel qui a été gagné par... j'ai un petit trou de mémoire, je suis vraiment désolé. Donc, il y a également eu le concours de soccer, il y a également eu de la danse, il y a également eu des défilés, du drapeau aussi. Ça a été vraiment une soirée diversifiée. Ouh, j'imagine. On parle aussi d'une exposition à la Galerie R3. Eh bien, on parle du printemps d'Olivier Chevrette. Oui, et ça, courez vite parce que ça termine demain. Ah, c'est vrai? Oui, déjà demain. Donc, lisez l'article dès que possible parce qu'en fait, c'est la Galerie R3 fait une exposition posthume à Olivier Chevrette, qui est un ancien étudiant en art visuel. Mm-hmm. En fait, parce que malheureusement, il est décédé tragiquement. Et là, justement, la Galerie R3 a décidé de lui rendre un hommage. C'est une très bonne idée. Ben oui, et ça, c'est l'initiative de Mère Christine Turcotte. Oui, qui est sa conjointe, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. Sinon, aussi, dans l'art et spectacle, eh bien, on parle du Québec, une page à la fois, La douleur de la vie par Judith Étier. Oui, exactement. Donc, Judith qui avoue qu'elle se sentait obligée de lire le livre initialement, mais que le tomber dedans, c'est un livre qui est assez difficile. C'est, en fait, le livre Pas de deux de Anne Guilbeault, et ça a l'air que c'est vraiment très difficile. C'est vraiment la personne au niveau psychologique qui tombe vraiment profondément, même à passer à l'aide psychiatrique. Donc, c'est un récit qui a l'air assez poignant. Oh, quand lisez même, ouais. Pas ça si... si vous vous sentez pas bien déjà. si vous voulez vous jeter un grippin dans le bain. Non, c'est ça, exactement. Marie-Christine Perra, quant à elle, nous parle d'une exposition au Centre de diffusion presse-papier. On parle du retour des oies blanches. Oui, donc c'est l'artiste belge Claire Hilgers qui fait une exposition à presse-papier. Et elle, ce qu'elle a fait, en fait, c'est que, oui, les oiseaux sont une sorte d'inspiration, mais elle se sert... Ça a l'air assez complexe. Faut être là pour comprendre le projet d'après ce que j'ai pu voir, parce que ça sert du traveling. La traveling au cinéma, c'est une technique où ce que ton arbre, ben la caméra bouge pour suivre ton mouvement. Exact. Et là, c'est ce qu'elle essaye de faire, Claire Hilgers, avec les peintures. Donc, le but, c'est que ton mouvement, tu le suis avec ton œil et que les peintures, comment elles sont arrangées, c'est que ça crée une espèce d'effet de mouvement. Oui, exactement. C'est probablement ça, parce que c'est ça en cinéma. Si on regarde quart de finale de Mardi de la Relève, deux autres soirées remplies de talent. Oui, c'est les derniers qu'on va couvrir. Mm-hmm. Déjà, puis il en reste quand même quelques-unes des quarts de finale. C'est parce que je pense que ça va jusqu'en fin mai, ça, début juin. Donc, c'était les 28 mars et 4 avril, il y a eu chacune un quart de finale. Le 28 mars, c'était la soirée funk et le 4 mars, c'était plus hard rock. Et pour chacun, la soirée funk, c'était remportée par Montero Super Project. Et dans ce groupe-là, il y a Mathieu Fortin qui était le représentant de Université en spectacle pour l'UQTR. Mm-hmm. Donc, il est partout. Ben oui, vraiment. Ben c'est bien, mais là, il est batteur, je pense, dans le groupe. Ah ouais? Ouais, et non pianiste, comme Université en spectacle. Aha. Donc, c'est eux qui ont gagné la section funk. Et le 4 mars, ça a été remporté par Drop Fate. Ah, quand même, c'est bon. On parle d'art visuel sur le campus. On parle d'embellir le quotidien grâce à l'art. Oui, exactement. Donc, Stéphanie Constant, en fait, quand vous allez vers la COPSCO, vous voyez l'espèce d'œuvre d'art avec oui. plein de livres peinturés. Eh bien, c'est l'œuvre de Fanny Constant. C'est tellement beau. Oui, exactement. Mais malheureusement, c'était vandalisé dernièrement. Ben voyons donc. Ben oui. Il y a eu des gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Là. Non, c'est ça. Hein? Qui savent pas vivre, point. Oui, voilà. Aussi, oui. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. mais c'est vraiment une belle œuvre. Vraiment, j'espère. Je sais pas comment ça va être restauré, mais c'est une belle œuvre. Puis sinon, la jeune artiste travaille sur une exposition collective de gravures qui va être présentée en fin avril. À la Galerie R3? Oui, je crois que oui, si je me trompe pas. Ben oui, exactement, t'as raison. Mon Dieu, pardon, je suis désolée, j'ai comme baillé en même temps que je parlais. t'es trop blasée par tes connaissances. Ça doit être ça. À part ça, c'est Alassania Kiwi qui nous parle de sa chronique d'une citoyenne du monde, une lettre à une inconnue. Oui, ou lettre d'amour à Ricardo Larrivée. Non, c'est pas vrai, ben non, j'exagère un peu. C'est que dans le fond, Alassania, c'est qu'à un moment donné, elle a entendu quelqu'un mépriser l'art culinaire. Donc, okay. pour dire que c'est pas un art. Et Alassania se permet d'écrire une lettre à cette personne-là comme quoi la cuisine, c'est quelque chose, un lien social, peu importe les époques et peu importe les civilisations. Hmm. C'est vraiment un excellent concept, lisez-le. Ben oui, clairement. Côté théâtre, eh bien, on parle du théâtre des Nouveaux Compagnons. Une soirée Molière, justement, David. Ben oui, justement, Molière. Donc, dans la photo compromettante avec Samuel Fortin, joueur de la Luître, en ouais. train de... avec deux femmes. Betty Follet avec deux femmes. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est les Précieuses Ridicules. C'est la pièce de Molière parce qu'en fait, dans le théâtre des Nouveaux Compagnons, ils ont fait un espèce de défi, c'est-à-dire de faire deux pièces en une soirée. Donc, il fallait raccourcir des bouts. Mm-hmm. De chacune des pièces, ça c'est les pièces, c'est les Précieuses Ridicules et également Médecin malgré lui. Mm-hmm. Donc les pièces ont été présentées un à la suite de l'autre, une entracte entre les deux et c'est les mêmes comédiens qui interprètent les deux pièces. Ah ok, c'est bien ça. Donc il paraît que le défi selon Marianne Chartier-Boulanger, la journaliste, a été relevé. Oui, j'en ai entendu parler aussi à quelques reprises. Ça semblerait que c'était très bon comme spectacle. Oui, oui, c'était... C'est triste parce que je me suis dit que j'aurais dû aller le voir par ben la moi suite. Aussi, j'ai vu la première partie avec oui. Les Précieuses Ridicules et c'était vraiment très drôle. Wow. En fait, c'est con à dire, mais ça fait penser à Tinder, mais au 17e siècle. Oui, c'est... Ouais, vraiment, cette pièce-là, ouais, quand même. Si on y va du côté de la section des sports, on parle oui. du gala mérite sportif, les reconnaissances qui ont été bien méritées, un article d'Étienne Lebel-Michaud. Oui, puis ce qui est bien cette année, c'est que c'est des sports dont on n'a pas toujours l'occasion d'en entendre parler, mais qui ont pu enfin mettre en relief. Par exemple, l'équipe féminine de volleyball a remporté l'équipe de l'année, et ça parce qu'ils n'ont eu aucune défaite. Mm-hmm. C'est mérité, là. C'est quelle autre équipe aurait pu se mériter ça? Et donc, Audrey Marcoux, qui est dans cette équipe-là, a également remporté le prix d'athlète féminine de l'année. Et celui qui allait à l'équipe, à l'athlète masculin de l'année, c'est Louis-Thomas Fortier en soccer. Oh, que oui, un bon capitaine, un bon leader d'équipe aussi du côté du soccer, qu'on n'aura plus malheureusement parce qu'il a terminé. C'est triste. Mais il y aura une relève, c'est sûr. Ben oui. Ben oui. On parle d'ailleurs de certains bilans de saison du côté du Patriot Soccer. On dit à la prochaine fois. Oui, exactement, parce que ce n'est parti remise parce que, par exemple, pour le soccer féminin, la saison extérieure d'automne, ça avait été un peu calamiteux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, Tania. Oui, t'as le droit, oui. Parce que c'est toi l'experte en soccer entre nous deux. mais là, ça a été mieux. Ils ont changé d'entraîneur et là, depuis ce temps-là, ça a progressé. L'équipe féminine n'a même pu aller en quart de finale. Donc, oui. Ce qui est quand même vraiment... vraiment, on pensait pas ça au début d'année, mais là, vraiment, ça a progressé. Et ce que l'entraîneur dit, c'est que les filles ont travaillé beaucoup sur elles-mêmes pour, justement, pouvoir jouer. Ils ont fait de l'effort par elles-mêmes et sur le terrain aussi. C'est vrai. On avait eu aussi quelques changements de joueuses de ce côté-là aussi. Ce qui a amené quand même une nouvelle dynamique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la saison extérieure, la saison prochaine. Oui. Est-ce que ça va être l'équipe gagnante des Patriotes? Je sais pas. On fait un profil d'athlète oui. du côté de Bilal Xière. On parle d'une saison sans faille. Oui, exactement, parce que vraiment, Bilal est dans l'équipe de soccer et il a apporté beaucoup de choses par lui-même, la discipline après les matchs, notamment récemment, parce que ça a l'air qu'avant, il n'y avait pas de cool-down ou de séance d'échauffement après les matchs. Mm-hmm. Donc, lui, Bilal, il en est ça. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a notamment, en fait, il a quand même joué dans une université américaine aussi. Et il a également été approché par... en fait, il a également été dans l'équipe de réserve des Impacts. Oui. Il n'a pas nécessairement eu de contrat officiel, mais il a quand même été comme dans la ligne... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais s'essayer, en fait, pour être avec les Impacts. Donc, il a quand même une bonne expérience internationale aux États-Unis en tant que joueur. Et là, quand Rod Goyette, l'entraîneur, l'a recruté, ça a été quand même un bon joueur qu'ils ont recruté, plus qu'un bon joueur. Ah oui, clairement. Il a manqué certains matchs en fin de saison à la suite d'une blessure, malheureusement. Mais j'ai hâte qu'on le retrouve sur le terrain parce que c'est tout un joueur. J'ai rarement vu quelqu'un avoir une technique de balle comme celle-là. Ben c'est sûr qu'il a joué un peu partout dans le monde. Donc, c'est sûr qu'avec l'expérience qu'il a, il va aller loin, je pense. Ah oui, clairement. Sinon, c'est Vincent Boisvert qui, lui, nous fait son échappée, disons ça comme ça. On parle de la Spartan Race de plus en plus populaire. Oui, puis c'est vraiment le fun, une Spartan Race, pour en avoir fait une. Je sais pas si t'en as déjà fait une, Tania. J'ai jamais fait ça. Mon cousin en a fait une. Ah. Malheureusement, moi, je m'étais blessée, donc je pouvais pas nécessairement participer à ce genre d'activité-là. Mais ça a l'air assez intense, merci. Oui. Puis, je peux dire que s'il plus avant, ça se peut que tu nages dans la boîte. Ouais, c'est ça. Mais c'était le fun, je nageais dans la boîte à un moment donné parce que courir, c'était trop long, fait que je nageais dans la boîte. Ah, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui participent à ça. Oh, et pour vrai, c'est vraiment une expérience qui est le fun. Tu le fais en gang. OK. Tu le fais, t'arrives le matin en gang parce que c'est vraiment plus le fun après de te retrouver puis de fêter la victoire. Parce qu'en fait, un Spartan Race, c'est quoi? C'est une course, mais avec des épreuves. Oui. Par exemple, ben, il faut que. Par exemple, tu transportes des barils d'un certain poids. Faut aussi, je sais pas trop comment expliquer, mais mettons, faut que tu grimpes sur, je sais jamais comment appeler ça, mais ça, t'as ça dans c'est les pattes. Ouais, c'est comme un mur avec une corde, là. Ouais, exactement. Donc, si tu le grimpes pas, ben, faut que tu fasses des burpees. Mm-hmm. Donc, Étienne nous explique tout ça, mais il explique aussi, il s'en va également faire un tour dans la LHJMQ. Mm-hmm. Et aussi au Senior A. Donc, il part de hockey aussi dans sa chronique. Ben oui, tout à fait. C'est correct, ça, parce que ça fait un bon bilan quand même pour le dernier numéro du Zone Campus. Oui. Parce que si tu regardes ça comme ça, bien, c'est le dernier article du dernier Zone Campus. Non! Ben oui, volume 12, numéro 13. Non. Félicitations à toi et toute l'équipe. Merci. C'est un beau numéro, il faut se le dire. Et il va être disponible un petit peu plus tard dans la journée. Oui, peut-être qu'il l'est déjà, je vais vérifier. Excellent. David va aller vérifier ça. De mon côté, je vais nous donner une pause publicitaire et au retour, eh bien, ça va être Mathieu Plante au téléphone. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. We'll be right back. L'impérative de la reine. Je crois qu'on n'attendra pas nécessairement bien, bien plus longtemps puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps à l'émission. Au téléphone avec moi, c'est Mathieu Plante. Bon matin, Mathieu. Salut, Tania. Quand même, tu me dis ça, puis il est quand même juste 9h10, on a le temps en masse. Ouais, je sais, mais tu vois, c'est parce que je pense à tout ce que tu dois mettre dans ta chronique, puis je me dis, on veut pas manquer de temps, on veut pas manquer ça non plus. Alors, est-ce que tu es prêt? Ben oui. OK, on part ça, ce sont les instructions d'assemblage ce matin, c'est bien ça? Yay, oui. Excellent. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas, Mathieu. Ça marche pas. Va falloir que tu nous aides. Ben oui, c'est ça, ça marche pas. Je sais même pas comment tu vas. Je sais même pas demandé comment t'allais. Je vais très bien, merci. Comme on peut l'entendre un petit peu, j'ai des allergies dans le fond de mon nez ce matin, mais ça va bien. C'est ça. Moi, j'ai des allergies à l'année longue, fait que je te comprends très bien. Je comprends pas comment tu fais pour avoir des allergies à l'année longue. Ils gèlent pas pendant l'hiver? Ben, c'est la poussière sûrement ou les allergies. Ah, c'est ça. Ouais, ça arrive. Mettons que je me gave de pilules, comme si j'en avais pas déjà assez. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire, mais malheureusement, bien, c'est chose qui m'a manqué. C'est ça. Ça me rappelle que quand j'avais un plant pendant 3 semaines, je prenais des Benadryl pour arrêter que ça me pique sur le bras. Ah, mon Dieu, tu devais tout le temps dormir aussi. Ah oui, c'était génial. les instructions d'assemblage, pour ceux qui ne savent pas, toi, je sais que tu le sais, Tania, parce que tu es intelligente, ça dit dans le titre, je dirais, c'est une question de mieux vivre, c'est d'essayer de se trouver des conseils pour mieux vivre. Commençons par quelque chose de très geek sur Internet. C'est une façon de quand tu es sur Internet, mettons, c'est sur Google Chrome. Oui. Et là, tu trouves une fenêtre incognito pour pouvoir, je sais pas, faire les achats, sans que ton copain le sache dans ton historique, des trucs comme ça. Il y a plein de raisons d'utiliser incognito. Oui. Tu peux permettre les extensions dans le mode incognito parce qu'en tant que tel, normalement, c'est pas supposé le faire. Donc, tu peux aller dans Google Chrome, dans tes options d'extension, mm-hmm. et il y a une case qui s'appelle permettre dans incognito et tu vas pouvoir utiliser tes extensions d'incognito. C'est cool. Oh, ça, c'est vraiment le fun. On adore ça. Tu peux faire ça avec toutes tes extensions. Ensuite, des fois, tu fais que je cherche de la musique pour dépendre de ton humeur un petit peu. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je me sens sale, je me sens rappelé la vie comme... Mon Dieu, tellement. T'es en forme comme ça se peut pas, pour vrai? Je trouve que t'as vraiment l'air en forme. Tu trouves? Oui. Ben oui. C'est parce que je le cache bien, je suis vraiment fatiguée. Ah! Ben, moi aussi, c'est ça. Dépend de ton humeur, voilà, c'est SoundR, S-O-U-N-D-R, qui t'aide à trouver de la musique basée sur le genre, l'activité et comment tu te sens. Oh, j'aime ça. Oui, et c'est gratuit. T'as même pas besoin de t'inscrire ou rien. L'interface, c'est le fun, c'est comme des bulles. Donc, tu fais des bulles basées sur ton émotion du moment, sur l'activité, par exemple, je sais pas si le matin, t'es à un party. Donc, c'est ça, tu choisis des petites bulles et puis ça va te remplir une liste avec ta suggestion. Et ça stream sur SoundCloud. Donc, c'est une façon de découvrir de la nouvelle musique. Oh, ouais, donc, c'est fun. SoundR. C'est sur le iTunes App Store et sur Google Play aussi. Ensuite, des fois, t'es peut-être sur un Mac, OK, ça arrive, mm-hmm. et t'es sur le Mac de quelqu'un que son clavier n'est pas en français. Ça se peut, à l'université, il y a des gens de partout dans le monde qui ont un clavier anglophone ou un clavier peu importe. Et moi, mon ordinateur, là, j'ai pas de Mac, mais mon ordinateur est déjà à la base anglophone. Oui, mais est-ce que t'as de la misère à écrire des accents? Oui, parfois. C'est ça, ça t'apprendre. mais sur le Mac, il y a une façon simple. Tu fais pareil comme sur iPhone. Tu sais, sur iPhone, tu tiens le E, mettons, puis il va apparaître les lettres avec les accents par-dessus. Oui. Mais tu peux faire la même chose sur le Mac, ça dit ça? Ah ouais, je savais pas. Mm-hmm. Donc, ça pour écrire en espagnol, en portugais, français, grec, toutes les lettres qui ont des accents dans les versions modernes de OS X, on n'a qu'à tenir une touche et les accents apparaissent par-dessus. Ça fonctionne avec tous les caractères qui ont des accents. Ouh, ça, on aime ça aussi. Mm-hmm. Ensuite, pour vrai, ça m'a impressionné quand j'ai vu. Je l'ai activé, j'ai fini par le désactiver parce que je m'en fais tout le temps dans mon bouton d'accueil sur mon iPhone. Est-ce que tu as des fois de la difficulté à lire quelque chose de très, très petit, tu sais? Oui, ça m'arrive quand même. Ça arrive. Ouais. Bon, plus tu vas vieillir, plus ça va arriver. Oui, c'est ça. Ça arrive de plus en plus, là. C'est ça. Mais il y a une façon vraiment simple sur l'iPhone de zoomer sans perdre de qualité pour te rapprocher des choses, sans avoir à prendre ton appareil photo puis focusser. Tu sais, des fois, je ne sais pas si tu as déjà essayé de focusser. Oui, ça devient tout flou, là. C'est ça, c'est vraiment pas le fun. Donc, c'est une façon super, super simple. Tu as juste à ouvrir paramètres, là, réglages sur ton iPhone. Tu vois, en général, dans accessibilité, il y a un bouton qui s'appelle Loop. Et puis, tu vas pouvoir cliquer trois fois sur ton bouton d'accueil, ton bouton principal, et ça va instantanément te lancer dans l'application caméra, une application vraiment minimaliste de caméra. Tu as un zoom dessus. Et c'est fait pour zoomer sur les choses qui sont très, très proches sans être flou. Ça fonctionne à merveille. Donc, c'est trois fois sur le bouton d'accueil. Mais comme je te dis, j'ai tendance à cliquer très vite sur mon bouton d'accueil, fait que j'ai désactivé. Là. Mais ça pourrait être utile pour ceux qui en ont besoin. Et sinon, tu peux aussi, il y a d'autres options dans l'accessibilité pour changer, pour filtrer pour les gens qui sont daltoniques aussi. C'est fun. Vraiment cool. Ensuite, est-ce que ça t'arrive des fois d'être devant ta télé et puis de chercher à t'endormir, mais c'est trop divertissant ce qui se passe à la télé? Ben oui, tellement. Quand j'écoute un épisode, une émission, là, une série ou peu importe, puis là, je sais que je suis fatiguée, mais je veux quand même pas m'endormir. Exactement. Surtout quand tu es sur Netflix, et ben justement, il y a une façon de t'endormir plus facilement avec l'aide de Netflix. Oh mon Dieu! Netflix. Donc, si t'aimes regarder la télé pour t'endormir, ça pourrait être parfait pour toi. Les écrans, on le sait, les écrans, ça va affecter ton rythme circadien, donc c'est-à-dire ton cycle de sommeil, les heures que tu vas dormir, quand est-ce que tu dors, combien de temps tu dors, etc. Donc, ici, Netflix, ce que ça fait, c'est des vidéos de foyers, comme sur ta télé, Cogeco, peu importe, qui ont tout le temps des foyers, mais ça ajoute aussi de la pluie, des lava lamps, tu sais, des trucs des années 70 avec des genres de bulles. Mm-hmm. C'est un petit peu psychédélique. Oui. Donc, il y a ça. C'est des vidéos relaxantes, des vidéos sur le boson de Higgs, des trucs comme ça qui sont faits pour t'endormir. Donc, ça s'appelle Netflix. C'est parfait comme bruit d'arrière-plan. Donc, allez voir ça, Netflix.tv. Ensuite, Make Me a Cocktail qui te suggère des recettes de drinks basées sur les ingrédients que tu as à la maison. Ben, ça voyons donc. Pas vrai? Ben oui. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit pour les sites de recettes des fois. Là, il y a Supercook, entre autres. Je pense qu'il y a des sites d'épicerie aussi que tu peux choisir les ingrédients que tu as chez toi et ils vont te donner une recette. Oui, ça, c'est le fun. C'est très le fun. Donc, c'est le même principe pour les drinks. Donc, tu marques les ingrédients que tu as chez toi. Ça pourrait être vodka, bourbon, jus d'orange, peu importe. Et aussi, il va te donner une liste de recettes basées sur ces ingrédients-là. Et tu peux filtrer par boisson chaude ou boisson classique. Tu peux même sauvegarder tes favoris. Et chaque recette vient avec plein d'infos, dont une cote que les gens leur ont donnée, quel genre de verre tu devrais utiliser. Donc, make me a cocktail. Voilà. .com. C'est très le fun. Je pense que je vais aller faire un tour là-dessus à un moment donné. Oui, absolument. Ensuite, tu sais, ça, des fois, tu achètes de la... Je sais pas si t'es comme moi, là. Je sais que toi, chez tes parents, on dit à chaque semaine. Bon. Mais moi, quand je le fais à manger, je me casse pas la tête. Je vais acheter de la sauce pour Pâques au magasin, à l'épicerie. Tu fais ça des fois? Ça arrive? Quand j'étais en appartement, je le faisais. Ça m'arrive encore un petit peu, oui, si... Ouais. Quand t'as la recette de ta mère, t'as pas besoin d'avoir des cartes. Exactement, c'est parce que ma mère, elle fait vraiment la meilleure sauce à spaghetti au monde. Ah, je suis jaloux. Même quand j'étais en appartement, elle m'en faisait. C'est pas correct de me dire ça. Donc, des sauces tomates, bon, ça peut être difficile à faire soi-même quand on connaît pas trop ça. Et donc, on l'achète au magasin, mais il y a un truc super simple pour que votre sauce d'épicerie goûte encore meilleur. Donc, c'est selon le blog de Kitchen. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la sauce à pâte dans un chaudron et la faire réduire un petit peu, donc sur le feu. Mm-hmm. Et tu vas mettre ça dans un petit chaudron, tu vas la faire bouillir et après ça, tu vas descendre la température et laisser ça mijoter pendant environ 10 minutes. Moi, c'est ce que je faisais déjà. Je savais pas que c'était un truc que les gens faisaient pas. Moi, je pense que je sais pas où. Qu'est-ce que les gens faisaient avant? Ouais, non, c'est ça, moi non plus. La mettre au micro. Peut-être. Je sais pas. La mettre directement sur ses pâtes en espérant que ça devienne chaud. Je pense plus que les pâtes qui vont devenir froides. Ouais, c'est ça. Bref, moi, je trouvais ça logique comme conseil, mais c'est ça, c'est le blog de Kitchen qui dit ça. Donc, tu peux préparer tes pâtes et tes autres trucs pendant ce temps-là sur d'autres ronds. Je pense qu'on en a quatre, je pense. Oui. Et ça va concentrer la saveur et ça va épaissir un petit peu la texture de ta sauce tomate. Et tu peux après ça ajouter des légumes, si tu veux. C'est comme sur une pizza manger, tu rajoutes du fromage par-dessus, puis on dirait que tu as fait une pizza maison. Ben oui, c'est vrai, ça. Même affaire. Ensuite, on parle beaucoup d'avions depuis les derniers jours. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ben, je vois pas de quoi tu parles, voyons. Non, peut-être. Bref, est-ce que, juste comme ça, comme parenthèse, là, je ne sais pas si tu sais, mais les actions de la compagnie qui ont justement tiré le monsieur dans l'allée, ont complètement chuté depuis hier. Un crash boursier. Oui. Présentement, United Airlines sont en train de tomber à la bourse. Ben, quand même, tant mieux pour eux autres. En plus, que pour vrai, c'est con. Tu sais, j'aurais dit, bon, c'est la faute de quelques personnes qui étaient pas correctes chez United Airlines. Mais finalement, tu as vu le message d'excuse qui ont dit nous sommes désolés d'avoir eu à replacer les gens ou je sais pas trop quoi, ouais. À les accommoder. Tu sais, genre, pas on s'excuse d'avoir tiré dans l'allée. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est eux qui ont overbook le vol. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, on parle beaucoup de vol, là, c'est ancien. Oui, on parle de l'avion. Et on se demande des fois, pourquoi est-ce que les hôtesses ou hôtes de l'air vous demandent de lever les rideaux pendant le décollage et l'atterrissage? Est-ce que t'as déjà vu ça? Vrai? J'ai jamais pris l'avion, je savais pas qu'on faisait ça. Mais on demande de lever les stores, les rideaux. T'as raison. C'est pas juste pour le paysage, c'est une question de sécurité en fait. L'équipe te demande d'ouvrir le store parce que ça les aide eux à voir à l'extérieur et s'ils ont à évacuer l'avion, ben ça va être plus simple pour eux. Et étant donné que la plupart des accidents ont lieu lors du décollage ou de l'atterrissage, c'est ce qui a le plus de sens donc de lever les rideaux à ce moment-là. Ça leur donne une meilleure visibilité à l'extérieur et ils peuvent guider les passagers vers l'endroit le plus sécuritaire. Et puis aussi ça s'assure que les passagers, dans le fond, que leurs yeux s'ajustent à la lumière du jour. Parce que quand il fait noir, quand t'arrives au soleil, t'as mal aux yeux. Donc si jamais ils doivent quitter l'avion à cause d'un accident, mais ils vont avoir déjà leurs yeux sont déjà acclimatés à la lumière. Ah, c'est cool, pas hein? Fou? Et c'est pas une politique dans chaque ligne aérienne apparemment, mais c'est quand même une bonne raison de le faire, même si on vous le demande pas dans le fond. Ensuite, est-ce que ça t'est déjà arrivé de magasiner dans un magasin, tu sais, je sais pas, Village des Valeurs, des trucs comme ça, les affaires pas chères? Oui, quand même. Est-ce que t'as déjà regretté après? Oui, quand même. Oui, quand même. Donc, tu peux économiser beaucoup plus d'argent dans des magasins comme ceux-là, mais les bas prix veulent dire que des fois, tu vas acheter des affaires même si tu n'en as pas vraiment besoin. Exact. Parce que c'est pas cher, en fait. Donc, on vous suggère la règle du magasin grande surface. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le blog Apartment Therapy qu'on suggère de se poser à soi-même une seule question importante avant d'arriver à la caisse enregistreuse. Je cite... Est-ce que j'achèterais ça si c'était plein prix dans un magasin grande surface? Oh! Si c'est quelque chose que tu aurais acheté dans un magasin grande surface à grand prix, c'est parce que tu en as vraiment besoin. C'est pas quelque chose qui a juste piqué ta curiosité parce que c'était pas cher. Donc, si tu es prêt à l'acheter dans un grand magasin, tu peux l'acheter à ton magasin préféré de rabais. Pourquoi pas? Ça sert à rien de remplir sa maison de cassin non plus. C'est vrai, non. En effet, ça ramasse de la poussière bien souvent. Oui, ben c'est ça. Puis comme on dit, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois dans cette chronique-là, mais la règle du 1 entrée, 1 sortie est super bonne aussi. Si tu achètes quelque chose, tu dois te débarrasser de quelque chose. Oui, bon. Je suis d'accord. Hein? Ensuite, je parle de toi souvent parce que ça me donne l'impression d'avoir quelqu'un à qui parler dans la vie. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de la difficulté à enlever une étiquette sur une bouteille puis que tu n'avais pas de liquide à l'intérieur? Oh mon Dieu, tellement! Ouais, ça arrive tout le temps. Mais tu peux aussi utiliser d'autres sortes d'huiles. Donc, les bouteilles de vitre sont toujours réutilisables, mais l'étiquette, elle, dessus l'étiquette de bière ou peu importe, elle va s'abîmer, va devenir vraiment laide. Et là, t'as de la bizarre à l'enlever parce que t'as pas de liquide à l'intérieur. Ça arrive super souvent. Donc, c'est full 52. On dit que t'as besoin juste d'huile, n'importe quelle huile, littéralement. Ça pourrait être même de la mayonnaise. Ça pourrait fonctionner. Ah ouais? De l'eau chaude et un petit genre de SOS ou quelque chose pour frotter. Tu vas mettre un petit peu d'huile sur l'étiquette, submerger le verre, ça peut être la bouteille, le pot, peu importe, dans de l'eau tiède et tu laisses ça pendant toute la nuit. OK. C'est cool. Après ça, tu enlèves ça le lendemain matin, tu grattes l'étiquette, ça se fait super bien. Tu laves ça avec un petit peu de savon et d'eau et tu remplis ton nouveau récipient de peu importe ce que tu veux. C'est pratique, c'est en plus, il y a des bouteilles qui sont si belles, qui font des belles décorations. Ah mon Dieu, oui, tellement. Des fleurs ou peu importe. Ensuite, là, on est vraiment dans le truc de magazine ici, là, mais je trouve que c'est cool parce que pour les étudiants, ça pourrait être vraiment utile. Des fois, quand tu malaxes tes affaires ou tu penses ça au mélangeur pour faire un smoothie ou peu importe. Oui. Et tu veux t'éviter un petit peu de dégâts. Hein? Tu veux t'éviter un petit peu de dégâts. Mm-hmm. Ça peut être utile à nettoyer après ça quand on malaxe quelque chose, surtout pour les couvercles. Donc, pour pour tourner autour de ce sujet-là, on parle pas évidemment de c'est parce que là, ici on met du saran wrap, mais on mettra pas le saran wrap là où il y a la lame. Non, en effet. C'est pas comme ça. Mais c'est pour éviter d'avoir à laver le couvercle. Tu sais, le couvercle, c'est la partie souvent qui est très difficile à laver parce que c'est plein de petits raccoins. Mm-hmm. Hein? Dépendant de la sorte de malaxeur que vous avez. Donc, pour contourner ça, c'est chez Serious E, qu'on recommande de mettre sur le malaxeur une enveloppe plastique, un saran wrap, avant de mettre le couvercle. Ah! Donc, ça va empêcher le splash vers le couvercle par en haut. Ouais, ouais, ouais. Sauf vraiment une bonne étape de nettoyage, je trouve. Tellement? Moi. Évidemment, il faut un morceau de plastique assez large, assez grand pour pas qu'il vienne descendre dans le réceptacle. Et il faut pas le mettre non plus trop serré, parce que sinon il pourrait déchirer. Qu'on soit avec du popcorn, si ça t'arrive des fois peut-être de faire du popcorn, puis là, bon, t'es parti faire autre chose, je sais pas, t'as répondu au téléphone, t'es allé sur Internet, peu importe. Et là, ton popcorn est rendu un petit peu mou. Mm-hmm. Ouais. Mais là, dans le four, Colin. Ah! Mais là, dans le four, ouais. Ben oui, pour ravigorer un petit peu ton popcorn, pour le ramener croustillant, c'est de le mettre sur une planche à biscuits et le mettre à 250 degrés pendant quelques minutes jusqu'à temps qu'il soit un petit peu tiède, plus chaud quand même. Et tu vas reverser ça dans ton bol, réassaisonner et tu vas continuer de regarder Netflix ou Napflix pour t'endormir. Ça va être fantastique. Oh mon Dieu, mais j'avais jamais pensé à ça. Simple de même, pour vrai, des fois, on se casse pas ta tête. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans tes instructions d'assemblage, Mathieu? Merci. Je t'en fais un dernier, après ça, on se casse. Vas-y. On veut essayer d'améliorer notre compréhension de ce qu'on lit en écrivant un résumé en trois phrases. Tu sais, on t'a parlé tantôt de par cœur avec Véronique, comment c'est pas une bonne idée d'apprendre par cœur. C'est sur le blog James Clear qu'on parle de l'importance de prendre des notes pendant qu'on lit. C'est pas la première fois que j'entends ça, apparemment, que ça change une vie. Absolument, ça change absolument de vie. On recommande de faire un petit exercice de résumer à chaque fois qu'on finit de lire un livre, par exemple. On essaie de résumer en trois phrases. OK. Plus simple que ça. Et après ça, tu vas pouvoir regarder tes notes et te rappeler de ce qu'il y avait dans le reste du livre. Ta connaissance ne sera pas perdue. Ouh, ouais, c'est génial, excellent. Ça. C'est tout. Je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. On est juste correct comme ça. Ah ouais? Je me sens rassasié de connaissances. Ah, vu comme ça. On n'est peut-être pas rassasié de connaissances. Ben non, parce qu'on veut tout le temps en apprendre plus, rappelle-toi. Ah, ben oui. C'est ça qu'il faut se rappeler, Mathieu, c'est ça qu'il faut se rappeler. Franchement. Pendant le temps que tu es en train encore de me parler au téléphone, dis-moi, est-ce que tu as quand même pris le temps un petit peu d'écouter la radio, mais autre que pour assemblage requis? OK, pour assemblage requis. Un petit peu. Des fois, j'écoute l'émission qui est juste après assemblage requis. J'écoute C'est fou le sexe lundi, j'écoute J'ai une liberté jeudi. Les autres jours, ça donne que rien après l'émission, je pense. C'est vrai. Bien, aujourd'hui, à midi, sache que tu vas quand même pouvoir écouter Connaître ensemble parce que c'est ce qui s'en vient. Ça va être la prochaine émission de la journée en direct, sachez-le, en direct. Par la suite, les palmarès C'est fou vont être à 14h. Un petit peu plus tard, dans la soirée, réanimation et matière noire vont être les choix de ce que tu vas pouvoir écouter aujourd'hui. C'est très varié, ça. C'est extrêmement varié. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta chronique. Merci à toi, on s'en parle demain. Excellent, bye-bye. Bye. De notre côté, eh bien, on va se souhaiter une bonne fin d'émission. Attendez, je vais changer le thème musical. Et voilà, c'est déjà le temps de se dire à demain. Surtout, prenez un bon café. Regardez pas trop à l'extérieur parce que c'est pas super beau présentement. Mais nous, comme je l'ai dit, on va se dire à demain matin. Et bien, d'ici là, passez une bonne journée. Bye tout le monde!